Quand Perceval s'assied, il se signe au nom du Saint-Esprit, il s'assied sur le siège, et dès qu'il eut pris place, la terre sous lui se fendit et cria si douloureusement que tous ceux qui se trouvaient là eurent l'impression que le monde s'engouffrait dans l'abîme. Au cri de la terre jaillirent des ténèbres si épaisses qu'on ne pouvait plus se voir sur plus d'une lieue. Ils entendirent ensuite une voix qui dit « Roi Arthur, tu as commis la plus grave faute qu'ait jamais commise roi de Bretagne, car tu as transgressé les ordres de Merlin. Quant à Perceval, sache-le, il a accompli l'acte le plus audacieux qui ait jamais été fait, mais qui le précipitera, lui et les compagnons de la table ronde, dans les plus grands tourments du monde. Et n'eût été le mérite d'Alain le Gros, son père, et de Bron, son aïeul, celui que l'on appelle le roi pêcheur, il aurait été englouti par l'abîme et il serait mort de la mort atroce que subit Moïse, quand, sans en avoir le droit, il prit place sur le siège que lui avait interdit Joseph. » Déjà, pourquoi forcément un mot compliqué qui veut rien dire? Il l'aurait appelé la coupe ou le vase, on serait fixé. Vous voulez dire qu'on l'aurait trouvé? Ah non, mais on serait fixé. Le Graal est un objet dont Joseph d'Arimathie s'est servi pour recueillir le sang de Jésus. Donc, un récipient. Un vase ou une coupe, on peut bien recueillir du sang dedans, non? La question c'est, dans quoi d'autre peut-on recueillir du sang de Jésus? Dans un récipient. On repousse les barbares, on tient tête aux Romains, on va bien réussir à trouver un vase, non? Tout ça, c'est question d'organisation. On va quadriller le secteur et se partager les zones. Il faudrait penser à envoyer une équipe en Gaule, au cas où. Moi, je pars en Judée. On ne sait jamais. Dieu vous assiste. Hé, quelqu'un a-t-il des nouveaux renseignements à propos de Joseph d'Arimathie? Moi, je crois que la clé, c'est Avalon. Si on trouve Avalon, on est bon. Moi, je m'occupe de la Calédonie. Rex quondam, rex quae futurus. Épisode 9. Le Joseph d'Arimathie et le Perceval en prose. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Quondam, Rex Quae Futurus. Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une autre pièce essentielle de cet immense puzzle qu'est la légende arthurienne. Parce qu'on a dit la dernière fois, quand on pense aux caractéristiques du roi Arthur, quand on dit légende arthurienne, généralement on pense d'abord au Graal, à la table ronde et à l'épée du roi Arthur qu'il a tirée d'un rocher. Eh bien, en fait, pour deux de ces choses, nous sommes extrêmement redevables à un certain Robert de Boron, ou en tout cas aux œuvres qui lui sont attribuées ou rattachées. Oui, parce qu'il a, pour sûr, écrit seulement... Parce que pour Robert de Boron, on connaît essentiellement un roman, un texte en vers, qui s'appelle « Le roman de l'histoire du Graal », et c'est le seul qu'on peut lui attribuer avec une relative certitude. On lui a aussi attribué un fragment d'un Merlin en vers lui aussi, mais ça c'est très controversé. Et il y a une version de ces deux romans en vers qui existent en prose, avec l'addition d'un Perceval, et ceux-ci sont souvent considérés comme étant soit par Robert de Boron lui-même, soit par un pseudo Robert de Boron, soit tout simplement par des continuateurs qui ont mis en prose les narratifs en vers de Robert de Boron, en les altérant évidemment, mais sans en faire des versions drastiquement différentes. Donc ce qu'il y a de nouveau, je pense que vous aurez remarqué, les œuvres qu'on vous a évoquées jusqu'à maintenant, ce sont des œuvres en vers généralement. Perceval et ses suites, c'était tout du vers, c'était tout le même format. Et là, ce qui va se produire, c'est le début des grands cycles en prose du Moyen-Âge qui implique un format légèrement différent. Parce que le vers, c'est très difficile à modifier ou à éditer. Enfin, difficile non, mais c'est plus facile de le remarquer. Tandis que la prose, c'est un format qui, par définition, est beaucoup plus élastique. Disons que le vers, si vous voulez supprimer des choses, il faut supprimer de façon à ce que la versification soit préservée. Pour ajouter des choses, il faut avoir un certain talent de versificateur. Pour ajouter de la prose, vous ajoutez simplement... vous pouvez avoir un langage légèrement différent, mais ça se remarquera beaucoup moins que si vous faites de la mauvaise prose que si vous faites du mauvais vers. On s'éloigne aussi un peu de l'oralité, parce qu'on dit, voilà, les continuations du Perceval et tout, c'était probablement fait pour être lu, donc il y avait un rapport à l'oralité avec la rime, qui était un lien assez certain. Tandis que là, avec la prose, on arrive dans une dimension qui est très littéraire, où là, ça devient des constructions littéraires, où la forme écrite prend une place extrêmement importante. C'est un peu ça qui distingue cette version en prose, cette littérature arthurienne en prose, de la littérature en prose latine qui existe déjà avec Geoffrey de Monmouth, qui existe depuis les origines de la légende arthurienne, disons, classique, si on peut le dire. Il y a eu des textes en prose, mais là, on est vraiment dans une dimension purement fictionnelle, romanesque, par opposition, disons, à la version historique vue comme plus ou moins crédible. Hein, on l'a vu, c'est pas simplement accepté, mais disons, c'est quand même beaucoup plus accepté que... Il n'y a pas grand monde qui va considérer les romans en prose comme des histoires purement historiques. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va créer des traditions manuscrites beaucoup plus compliquées, parce que les gens vont commencer à vraiment les morceler, les interpoler. On va prendre des bouts des romans et les mettre les uns dans les autres, ce qui aurait été beaucoup plus difficile à faire avec les romans sans vers. Et là, on a vraiment, on va vraiment avoir des problèmes pour déterminer qu'est-ce qui fait partie d'un cycle, qu'est-ce qui ne fait pas partie d'un cycle. Parce qu'aussi, oui, c'est la première fois qu'on voit vraiment un cycle de roman, c'est-à-dire que dans le premier, on va vous annoncer la suite. Dans la suite, on va faire référence aux précédentes. Donc, vous avez ces trois volets du cycle qu'on va vous présenter dans un instant, qui sont liés les uns aux autres de façon thématique. C'est clairement des romans qui ont un sujet légèrement différent les uns des autres, mais qui sont quand même unis par une espèce de fil rouge qui va être notamment cette histoire du Graal. Voilà, c'est la différence principale avec des œuvres isolées qui sont rassemblées ensemble, comme on a pu le voir pour ce qui était des œuvres de Chrétien ou des œuvres des continuateurs de Geoffrey de Monmouth, des traducteurs, qui eux voyaient leurs œuvres reprises et ajoutées à d'autres histoires pour en faire une histoire du monde plus ou moins complète, mais qui n'avaient pas forcément de lien très prégnant. Même le scribe qui interpole les cinq romances de Chrétien au milieu de Wass ajoute juste quelques vers ici et là, mais n'en fait pas des œuvres intégrées. Il n'y a pas une intégration particulière comme il peut l'avoir, comme on va le voir dans les romans, les cycles romanesques du XIIIe siècle. Peut-être faut le préciser, on distingue trois grands cycles romanesques avant, histoire de préciser les termes avant qu'on les utilise. Ce cycle donc qu'on a vu attribué à Robert de Boron en prose, le cycle qui le suit, qui va être bâti avec certaines des mêmes briques, mais certaines briques qui diffèrent. Le principal lien entre les deux, c'est le Merlin. C'est la Vulgate, qu'on appelle en anglais la Prose Vulgate, la Vulgate en prose. La Vulgate parce que c'est vu de plus en plus comme la version définitive, la version comme la Vulgate et la Bible. La Bible de la matière aussi, de Bretagne, si on veut. Puis aussi, elle est extrêmement répandue parce que la Vulgate, on compte plus d'une centaine de manuscrits. On l'appelle aussi le Lancelot Graal, notamment. C'est le Lancelot Graal, peut-être son nom le plus célèbre en français, effectivement. Et lui suit une version qui en reprend certaines parties, qui en compresse d'autres, qui en supprime d'autres et qui ajoute quelques suites à des œuvres déjà existantes, qui s'appelle la Post-Vulgate, qui va être un peu plus compliquée parce que la Post-Vulgate n'existe pas, ne survit pas dans une traduction manuscrite de l'époque. On l'a reconstruit essentiellement à partir de manuscrits dans d'autres langues ou dans d'autres cultures. En portugais ou en espagnol, notamment. Voilà, et c'est ça qui permet de suggérer qu'il existait une tradition de les mettre ensemble. Alors, les textes existent en français, mais il faut les réassembler un peu, en fait. Oui, et c'est très débattu pour la Post-Vulgate si ça constitue vraiment un cycle ou si c'est juste une famille de manuscrits ou à voir autrement. Mais en tout cas, on vous présentera chacun de ces cycles en son temps. Aujourd'hui, on va vous parler justement des versions en prose des œuvres de Robert de Boron, surtout. Et on va essayer de discuter maintenant un peu quel rapport elles auraient avec des précédents en vers et quel rapport elles auraient entre elles. Alors, il faut dire aussi que ces versions qui existent dans des cycles ont aussi une existence plus ou moins individuelle. C'est très évident pour le Merlin, par exemple, qui existe dans de nombreuses versions qui sont qualifiées soit de plus ou moins autonomes, non cycliques, et ces versions cycliques. Alors, ça implique aussi, même pour des versions cycliques, ça va impliquer qu'il peut exister avec d'autres parties du cycle sans exister dans un manuscrit unique avec les 5 ou 6 textes qui composent le cycle, mais seulement avec 2 d'entre eux ou 3 d'entre eux, ou peut-être même isolément, mais dans cette traduction du cycle. Donc, on peut pas non plus, faut pas non plus s'imaginer que ces pratiques qu'on décrit sont des choses qui reflètent exactement la façon dont ils étaient consommés, ces textes, au Moyen-Âge. Voilà. Avant d'aller plus loin, on va vous parler d'une tradition qui existe en cycle clairement, mais ce n'est pas la seule façon d'appréhender ces textes. Et toutes ces œuvres, que ce soit le Merlin, enfin pas toutes, mais la plupart, le Merlin par exemple, le Perceval, c'est pas le cas du Perceval, en tout cas dans ce qui nous a survécu, mais le Merlin, le Lancelot ont une existence avant d'être incorporés à ces cycles. Dans le cas de Robert de Boron, ça commence pour nous avec ce texte en vers, justement. Mmh. Cette histoire du Saint Graal qui va être en fait l'introduction de Joseph d'Arimathie dans la légende du Graal et qui va voir là-dedans ce qui va être peu à peu repris aussi dans les continuations de Perceval, par exemple, hein, qu'on a vu la dernière fois. La fin de la deuxième continuation mentionne explicitement Joseph d'Arimathie et les personnages qu'on va retrouver dans le roman. On est un peu anachronique là dans l'ordre dans lequel on va, parce qu'on pense justement que la deuxième continuation, elle est influencée par une version de l'histoire de Robert de Boron qui devait circuler. Mais il faut aussi dire que la deuxième continuation a au tour influencé le cycle en prose de Robert de Boron. Parce que ce cycle de Robert de Boron, justement, on vous l'a dit, on a ce texte en vers, ce Joseph d'Arimathie, cette histoire du Saint Graal en vers, qui existe dans un seul manuscrit. Le manuscrit 20047 français à la Bibliothèque nationale française. Qui est suivi d'à peu près 500 vers, je crois. Il y a 504 vers d'un Merlin en vers qui subsiste. Donc, alors, voilà, justement, on a ces deux versions en vers qui se suivent, donc qui sont écrites à la suite. Il en existe des versions en prose. Le Joseph est conservé dans 17 manuscrits, en tout cas partiellement. Et en dans prose, hein. En prose, le Joseph en prose. Il en existe justement une version en prose qui correspond vraiment. Donc on a par exemple une édition qui a été faite par O'Gorman. Par Richard O'Gorman. Une édition critique des versions en vers et en prose qui les compare. Et on voit que la mise en prose a été assez fidèle. Donc on comprend, on voit assez bien que les deux textes correspondent. Il existe en tout cas 7 manuscrits complets du Joseph en prose. Pour ce qui est du Merlin, il existe aussi pratiquement une soixantaine, 58 manuscrits en tout, et 50 manuscrits qui seraient à peu près complets. Dans différentes traductions, généralement, on lui rajoute des suites différentes, c'est-à-dire qu'on prolonge le texte différemment suivant à quel cycle il est intégré. Une partie d'entre eux sont issus justement de ce cycle, la Vulgate, et une partie sont plutôt rattachées à la version de base de Robert de Boron, disons. Oui. Et donc, on a ces deux versions, Joseph et Merlin, en prose. L'histoire de Merlin, ça parle en fait des épisodes qu'on a vus précédemment dans la tradition des chroniques, c'est-à-dire les épisodes avec Vortigern et sa tour, qui va chercher Merlin, qui fait des prophéties quand il est enfant. Là, on rajoute la conception de Merlin, où il est conçu par un démon et une jeune femme qui a oublié de faire le signe de la croix avant de se coucher, donc elle est violée par un démon, et elle engendre Merlin, qui obtient un don de prophétie, etc. Et ça va jusqu'à ce que Arthur sorte l'épée d'une enclume qui est apparue devant une cathédrale à Noël, et ce qui fait qu'il devient roi de Bretagne. Donc c'est le début de la tradition d'Arthur qui est écarté de la cour, puis qui est révélé par l'épée, ce qui est quand même, disons, l'image, je pense, presque indispensable à laquelle on pense quand on pense à Arthur. Donc c'est à lui, Merlin en prose, dont on est redevable. Mais ça pose la question, c'est-à-dire que quel rapport est-ce que les versions en prose entretiennent avec les versions en vers, surtout quand on n'a pas la version en vers complète du Merlin. Donc, et en plus, il y a une édition qui a été faite récemment en 2014 chez Honoré Champion par Corinne Fugue-Pierreville, qui, elle, a argumenté dans son introduction que la version en vers était inférieure. Autrement dit, la version en prose serait probablement la plus... En tout cas, la version en prose qu'on a est de meilleure qualité que la version en vers. Et donc, elle envisage en tout cas que peut-être la version en vers, on a essayé de nous faire croire qu'il y avait un Merlin en vers, alors que peut-être il n'y en a jamais eu. Donc ça pose la question de, est-ce qu'il y a vraiment eu un cycle en vers de Robert de Boron? Ou peut-être qu'il a juste écrit le roman de l'Histoire du Graal, qui aurait été un peu sa seule œuvre, et puis il y aurait des gens qui auraient essayé de l'intégrer et d'élaborer par rapport à ce qu'il y avait avant. Parce que la troisième partie du cycle qui pose aussi problème, c'est celle de Perceval. C'est-à-dire que le roman de l'Histoire du Graal raconte comment Joseph d'Arimathie a amené le Graal en Angleterre, basiquement. Sur l'île de Bretagne. Tandis que le Perceval en prose va essayer de combiner des éléments du conte du Graal, beaucoup de la deuxième continuation, quelques éléments aussi de la tradition des chroniques de Wass et de Geoffrey pour la fin, qui raconte la mort d'Arthur et la fin du royaume arthurien. Donc on a beaucoup de compilations, on a beaucoup de choses qu'on a déjà vues qui commencent à être synthétisées dans une version un peu cohérente. Un ou deux épisodes originaux, le début et la fin sont un peu originaux, et qui essaient de résoudre la quête du Graal, donc qui mène Perceval au bout de sa quête, d'une manière qui ressemble un peu à la version isolée de la deuxième continuation qu'on avait vue la dernière fois. Mais on n'a pas de Perceval en vers. Et le Perceval en prose n'existe que dans deux manuscrits. Où il est, dans ces deux manuscrits, ajouté un Merlin et un Joseph d'Arimathie en prose. Donc il y a deux manuscrits dans lesquels les trois sont conservés comme un cycle complet qui se suit. Un manuscrit qui est à Paris, qu'on appelle le manuscrit Didot, parce qu'il a appartenu à Ambroise Firmin Didot. Et donc c'est pour ça qu'on l'appelle le Didot Perceval, en fait. Les Anglais adorent l'appeler Didot Perceval. Mais un jour, on a trouvé, dans les années 70, je crois, le manuscrit de Modène. Dans les années 1870. Hein. 1870, oui. On a trouvé le manuscrit de Modène. Enfin, on a identifié le manuscrit de Modène, qui était à la Bibliothèque Estensas, des Estensas, je sais pas que... Oui. Ce qui contient, en fait, cette trilogie suivie d'un lapidaire, enfin, d'un traité de gémologie en vers. Et cette version était un peu ignorée au début, et c'est vraiment que dans les années 1870 qu'on a fait remarquer qu'il y avait un Perceval à la fin et que c'était le même que le Didot Perceval. Et d'ailleurs, les éditions des années 1870 sont un peu trop parce que certaines ne savent pas encore qu'il y a le Didot Perceval dans le Modène, donc ils utilisent le Didot Perceval qui est en fait assez corrompu par rapport au manuscrit de Modène qui est relativement de meilleure qualité. Et de nos jours, c'est ce manuscrit de Modène en fait qui sert principalement à éditer le Didot Perceval ou le Perceval en prose, comme on l'appelle généralement, parce qu'il y a pas d'autres grands Perceval en prose à part le récit de Perlesvos, mais qui est connu comme soit le haut livre du Graal, soit Perlesvos, donc il n'y a pas d'ambiguïté, en fait. Oui, voilà. Bon, tu dis presque, je dirais, exclusivement le manuscrit de Modène. Oui. Dès le début du XXe siècle, c'est que le manuscrit de Modène qui va être utilisé comme base, avec peut-être des corrections à partir de Didot pour certains épisodes plus bizarres. Ouais, et aussi, il y a quelques lectures, il y a quelques leçons de Didot qui sont peut-être un peu plus fiables, mais dans l'ensemble, c'est le manuscrit de Modène qui est clairement plus fiable. Donc, ça reflète bien le paradoxe, en fait. On a... Pour le Robert de Boron lui-même, on n'a que ce texte en vers, peut-être ce Merlin, Et on a lui a attribué toute cette trilogie en prose. Beaucoup de gens parlent de cette trilogie comme étant de Robert de Boron, alors qu'en fait, on ne sait vraiment pas. Le texte parle de Robert comme étant à l'origine de ses textes, mais est-ce que c'est une prétention littéraire ? Est-ce que Robert lui-même, quand il écrit l'histoire... Parce que le roman de l'histoire du Graal, en vers, dit bien que c'est un livre plus vaste, qu'il va parler de tout ce qui s'est arrivé entre le moment où le Graal a été attribué au roi pêcheur dans l'île de Bretagne et sa quête, finalement. Et peut-être que c'est... peut-être effectivement, peut-être que Robert de Boron l'avait continué, mais peut-être simplement qu'il avait simplement laissé ces traces-là et qu'ensuite quelqu'un d'autre est venu et, comme pour les contributions de chrétiens, l'a perpétué dans une tradition, soit d'abord en vers, peut-être, oui. Soit en prose. Donc on n'est pas sûr vraiment de quelle était l'intention au départ et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a eu effectivement un cycle et on peut dire que ces trois romans existaient en cycle puisqu'il y a au moins deux manuscrits. Il y a au moins deux manuscrits qui attestent de qui ça. Qui attestent de ça. Maintenant, c'est vrai que le débat porte aussi sur le fait que la première partie du cycle, donc le Joseph, annonce des choses qui vont pas se vérifier dans la suite. Donc il y a des problèmes de cohérence qui ont poussé certains, surtout les Français, disons, étaient assez sceptiques sur le fait que il y a vraiment un cycle qui a été conçu par un architecte, si on veut. Ils étaient pas sûrs de ça. Alors que quand on regarde, par exemple, la Vulgate, on voit une tentative de rendre ça cohérent beaucoup plus. Là, il y a beaucoup de bouts de l'histoire qui restent un peu pendants et qui sont pas résolus. Et ce qui laisse penser que peut-être c'est plutôt un travail un peu, pas forcément bâclé, mais en tout cas, qui avait pas forcément le même souci de cohérence qu'on va voir plus tard. C'est discuté notamment par O'Gorman dans son édition critique du Joseph d'Arimathie. On va essayer de vous parler en tout cas des choses qui sont annoncées puis qui laissent un peu perplexe ou pour lesquelles on n'a pas de réponse. Ta mention d'O'Gorman me fait penser qu'il y a vraiment deux façons d'éditer ces textes en fait. Soit on les édite isolément. Alors il y a des éditions critiques de Joseph d'Arimathie assez récentes. Merlin a connu beaucoup de succès. Il y a une édition d'Alexandre Micha chez Drault dans les années 80. Hein. Mmh. Et récemment cette édition de Fugperville en 2014. Donc Merlin a connu une popularité un peu plus importante. Quant au Perceval de Didot, le Perceval en prose, il a eu une édition se basant sur les deux manuscrits, vraiment qui compile les deux manuscrits de Modène et de Paris, donc le manuscrit d'Ido et le manuscrit de Modène, édité par William Roach en 1941. Donc c'est un peu la dernière grande édition, je crois, critique du Perceval en prose. Mmh. Autrement, il y a eu des traductions. Enfin, c'est une méthode qui a connu peut-être un succès plus récemment. Richard O'Gorman attaque en fait beaucoup dans son introduction justement les méthodes qui visent à se fixer sur un seul manuscrit. Pour Richard O'Gorman, si on peut, on doit reconstituer le texte le plus proche de l'auteur original. Il attaque à la fois la tradition de Joseph Bédier qui voulait prendre le meilleur représentant et éditer ça sans trop tenir compte du reste en disant c'est probablement celui-là le plus fiable. Et les traductions des, ce qu'il appelle les néo-bédiéristes qui considèrent que tous les manuscrits sont plus ou moins valables. L'autre pendant, justement, c'est cette tradition représentée par notamment Bernard Cerchiglini dans son édition un peu bizarre de ce qu'il appelle le roman du Graal. C'est en fait une édition complète du manuscrit de Modène sans apparat critique, sans apparat critique, sans traduction. Sans traduction, avec juste un petit glossaire à la fin et quelques notes, dans la collection 10-18, qui n'est pas une collection spécialement, enfin, chez les éditeurs 18, dans leur collection Bibliothèque médiévale, donc ils avaient quand même une petite collection médiévale, mais qui n'a pas connu un grand succès. C'est un peu un ovni, ce livre, il faut dire. C'est un ovni, mais le texte tel qu'il a été édité a été utilisé par notre ami Nigel Bryant, qui avait traduit l'intégrale qui ne se reposera pas avant d'avoir traduit tous les longs textes arthuriens sur lesquels il est tombé. Voilà, il a aussi traduit le Père Sophores, le Père Lesvos, on l'a vu, les continuations, et là, il a fait justement cette version du manuscrit de Modène, en entier, en anglais. Alors lui, il précise qu'elles sont attribuées à Robert de Boron, ce qui est effectivement le cas, mais il n'attaque pas tellement la question de la traduction. Il prend pas de risque. C'est vraiment une édition plutôt pour lire dans un cours, par exemple, pour donner une bonne idée. Mais ça a l'avantage de vous donner une bonne image, en fait, si vous voulez, du texte tel qu'il aurait pu être rencontré par un lecteur cyclique, en fait, qui aurait lu ces trois manuscrits, ce manuscrit de trois textes à la suite. Donc c'est une approche totalement différente de l'édition critique d'un seul texte, qui est peut-être valable pour le Joseph et pour le Merlin qui ont une circulation un peu séparée, mais pour Perceval, effectivement, ça fait presque plus de sens de le lire en partenariat avec ses deux prédécesseurs, d'autant qu'il finalement, beaucoup de ce qu'il raconte est lié à ces deux textes. Pour le Perceval en français, il y a en fait dans le volume La Légende Arthurienne, qui est dans la collection bouquins de Lafon, vous avez, c'est un recueil de textes un peu disparates, mais vous avez notamment dans ce qu'ils appellent Merlin et Arthur, le Graal et le Royaume, je sais pas pourquoi tout le monde tient à donner un nouveau titre, histoire de rendre les lecteurs encore plus confus, mais dedans vous avez en fait le Merlin L. Perceval qui se suivent d'après le manuscrit de Modène traduit en français. C'est pas mal. Ils ont pas du tout mis le Joseph ni en prose ni en vers, rien, parce que finalement il se passe très peu de choses dans le Joseph, comme on va le voir dans un instant. Mais vous avez le Merlin, L. Perceval qui se suivent. Pour une traduction du Joseph par contre en français moderne, vous avez la version d'Alexandre Micha chez Honoré Champion dans leur collection Traduction. Ils se basent donc logiquement sur, enfin c'est une version tirée Du roman en vers, hein. Du roman en vers, à part pour un passage du roman en vers qui manque et il doit utiliser la prose pour le boucher. C'est pas forcément une édition très critique, mais donc vous avez l'histoire traduite. Pour une édition critique, vous pouvez pas faire mieux pour le Joseph que la version de O'Gorman qui met côte à côte la version en vers et la version en prose, sans traduction, donc juste le texte en français médiéval, avec un appareil critique assez énorme et très intéressant. Voilà, on va pas aborder aujourd'hui, je pense qu'il faut le dire, on va pas aborder le Merlin aujourd'hui. C'est dans le prochain épisode qu'on vous parlera du Merlin, parce qu'on voudrait le rattacher au Mirvin gallois, à la Vita Merlini, à la tradition précédente de Merlin pour mieux le mettre en contexte. Là, on va vous parler vraiment du cycle du Graal, si on veut, chez Robert de Bron, c'est-à-dire le début et la fin. Comment est-ce que le Graal arrive en Bretagne et comment est-ce qu'il est résolu par Perceval? Mais pour Merlin, on peut déjà dire qu'il y a en tout cas une édition qui a été faite chez Champion, une édition bilingue par Fugue Pierreville, justement. On a dit celle qui pense que la version en prose est supérieure à la version en vers. En 2014, donc très récemment, je pense que vous trouvez pas mieux que ça pour avoir le texte en vis-à-vis, et une édition assez critique quand même. Voilà, c'est probablement la meilleure. Faut préciser aussi que, alors on a parlé du Perceval comme d'une seule entité, on va effectivement vous le présenter aujourd'hui, mais pas dans son intégralité. Il est souvent découpé en deux. Beaucoup de gens pensent que Robert de Boron avait en fait l'intention de faire 5 ou 4 parties. Mmh. Et souvent, on divise le Perceval en deux parce que la première partie concerne effectivement seulement Perceval, la grande majorité du texte. Mais la fin revient sur, justement, comme on l'a dit avant, Wass et Geoffrey pour raconter la fin du royaume d'Arthur. Et ceci, on vous en parlera aussi la semaine prochaine parce que ça s'aligne beaucoup plus directement avec l'inspiration que le rédacteur de cette version en prose, enfin de ce Perceval en prose, trouve chez ses auteurs préexistants du XIIe et du XIIe siècle, notamment chez effectivement Wass et Geoffrey. Côté ressources, il faut aussi qu'on mentionne maintenant les mauvaises éditions, parce que là on vous a donné celles qu'on va vraiment utiliser, mais il y a aussi des mauvaises éditions, et notamment certaines sont gratuitement sur internet, donc si vous voulez rien investir d'argent mais juste jeter un œil, vous avez notamment l'édition Huchet qui date justement de 1875, qu'il appelle le Saint Graal ou le Joseph d'Arimathie, qui est une édition un peu à moitié pas vraiment très bien faite du cycle, mais vous avez quand même des traductions et des paraphrases qui peuvent être assez éclatantes si vous avez rien d'autre. Il y a aussi une édition qui a été faite par notre vieil ami Jesse Weston, The Legend of Sir Percival. Le volume 2 est une édition du texte de Modène, qui a été apparemment très mal faite, très critiquée, mais que vous trouvez gratuitement sur internet si vous la voulez. Pas de traduction, mais elle parle beaucoup de l'histoire et de ses théories sur quelles seraient les sources, si on veut, de ça. Certaines de ces hypothèses tiennent encore un peu la route. Et enfin, pour le Perceval lui-même, il y a une traduction Skills qui date de 1966, et je sais pas pourquoi, mais elle est partout sur internet. Donc le Perceval en prose est traduit en anglais gratuitement, c'est pas forcément une très bonne traduction. Je l'ai en volume là devant moi. C'était imprimé, c'était universitaire, hein, c'était imprimé la série des publications de l'université de Washington à Seattle. C'est effectivement Dale Skills qui a traduit la version, le manuscrit E, donc le manuscrit de Modène. C'est pas forcément effectivement une très très bonne traduction, mais si vous voulez une traduction en anglais, il n'y a pas de traduction en français, hein, de Perceval, il me semble, en dehors de celle de qui est justement chez dans la collection bouquin. Donc c'est pas un mauvais choix. Elle est peut-être un peu moins colloquiale, parce que Bryant, comme je vous l'ai dit, hein, la dernière fois, il a des colloquialismes un peu spéciaux. C'est peut-être un peu plus archaïsant, ça peut être un peu plus familier. Par contre, l'édition de 61, qui est l'édition que j'ai là sous les yeux, elle est très sympathique parce qu'elle a des petites gravures, des petits dessins d'un style très 60s, qui est très charmant, pas du tout purement abstrait, hein, comme miniature, mais c'est très très joli. Par contre, effectivement, le texte, si vous voulez juste lire le Dido Perceval rapidement, voilà, c'est peut-être la meilleure solution. C'est pas très radiophonique. Moi, je disais ça surtout parce que le texte est sur internet plus ou moins légalement. Ouais. Je sais pas pourquoi il est disponible partout, mais vous le trouvez assez facilement. Mais alors effectivement, je recommanderais, si vous voulez absolument lire la trilogie dans son ensemble et que vous lisez l'anglais, la version de Nigel Bryant, c'est sans doute la référence, parce que pour le reste, il vous faudra aller pêcher dans vos bibliothèques universitaires. Celle de Bryant, vous pourrez sans doute la trouver sur internet, en livraison sur Amazon ou sur un bouquiniste pour moins cher. Je pense qu'on va commencer maintenant à vous présenter ces deux œuvres, donc le Joseph et le Perceval, le début et la fin du cycle. Je voudrais commencer par une confession. Personnellement, j'aime pas beaucoup le Joseph. Je trouve que, alors soyons très clairs, il est beaucoup plus proche d'une vie de saint ou d'un évangile apocryphe que d'une romance chevaleresque. Donc si vous aimez l'aventure et l'action, voilà, il faut aller ailleurs. Je pense qu'il est extrêmement, voilà, il est extrêmement important dans ce qu'il a introduit, c'est-à-dire que c'est lui qui va vraiment christianiser le Graal et dire, ok, le Graal, c'est le récipient qui reçoit le sang du Christ, la lance, c'est la lance de Longin qui a percé le flanc du Christ, qui apparaît dans les continuations, et on pense, l'hypothèse la plus plausible, c'est que c'est lui qui est l'origine de la fixation de ce motif. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'histoire de la légende arthurienne, c'est clair. Maintenant, à lire, personnellement, si vous en lisez un résumé, généralement, vous êtes satisfait parce qu'il ne se passe pas énormément de choses. La première partie, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un calque direct à la fois de l'évangile du Nouveau Testament et de l'évangile de Nicodème pour ce qui se passe certains détails. Parce qu'une partie de ce qui se passe, le Joseph d'Arimathie, c'est dans la Bible. Nicodème, c'est dans la Bible. L'évangile de Nicodème, par contre, développe un peu plus ce qui se passe avec Pilate. Qu'on appelle aussi les actes de Pilate. Les actes de Pilate, ouais, parce qu'il. Alors, ça dépend des versions. Hein, dans certaines versions de cette histoire, Pilate est vraiment mesquin et méchant. D'autres, il est amical. C'est le cas du Joseph d'Arimathie. Et ça continue aussi avec la guérison miraculeuse d'un empereur romain, l'apparition de Sainte Véronique, notamment, qui a le visage du Christ sur son mouchoir. Ou son tissu. Et ça se poursuit avec justement ce narratif un peu maintenant très connu, mais qui est à l'époque vraiment inédit, de la translation du Graal de la Terre Sainte à l'île de Bretagne. Et c'est vrai qu'il y avait des traditions qui faisaient Joseph d'Arimathie l'évangélisateur des Anglais, hein, qui peut-être prédate ça, mais... Il a gardé une certaine image, certaines personnes, c'est très 18e, c'est plus tard, mais il y a des gens qui ont vu en Joseph d'Arimathie un oncle de Jésus avec qui il aurait voyagé en Bretagne, et du coup, Jésus serait venu... Voilà, il y a des histoires plus tard. En Angleterre, hein, comme en tant qu'enfant. Alors, il y a des gens qui ont voulu, dans des lectures contemporaines, qui ont voulu dire que Joseph d'Arimathie était un druide breton et qu'il aurait initié Jésus au druidisme et que c'est là le lien entre le Graal et le Christ. Enfin, c'est ce genre d'histoire. Il y a des tendances un peu ahurissantes à essayer de tout concilier, ce qui est bien sûr pas possible parce que ce sont des créations littéraires. Malheureusement, elles répondent à des questions différentes. Enfin, heureusement presque. Heureusement. Heureusement pour nous, malheureusement pour certains qui voudraient une jolie histoire. Donc, je vais commencer à vous présenter le récit. Alexandre Michat distingue trois parties dans son édition. Une première partie qui est basiquement la descente aux enfers de Jésus, le ministère de Jésus et la punition de Joseph. Une deuxième partie qui est basiquement sa rescousse par l'empereur, Pilate, Véronique qui font qu'il va être libéré. Et la troisième partie, c'est qu'il crée une espèce de communauté autour du Graal. Avec ce récipient que Jésus lui a confié, et une espèce de communauté privilégiée autour du Graal, avant de les envoyer par le monde. Il annonce, disons, la suite des aventures. Malheureusement, tout ça ne va pas se réaliser, mais une part qui annonce la suite du cycle. Donc, faut préciser aussi que c'est justement ce calque à peu près en trois parties. La première partie, c'est vraiment l'essentiel de l'évangile. La deuxième partie, l'évangile de Nicodème, ces pseudo-évangiles. Et la dernière partie, c'est vraiment ce qui est intéressant chez Robert de Boron. Donc la première partie, elle commence par dire « Tous les pécheurs, grands et petits, doivent savoir qu'avant la venue de Jésus-Christ sur la terre, il fit annoncer par les écrits des prophètes son arrivée ici-bas et proclamer que Dieu enverrait en ce monde son Fils pour endurer tourments, souffrances, froids et sueurs sans nombre. » Il commence par, en fait, le récit assez populaire au Moyen-Âge de la descente du Christ aux enfers, où le Christ, après sa victoire sur le diable, après sa victoire sur la mort, descend aux enfers pour libérer tous les gens qui étaient là pour toujours, en fait. C'est-à-dire que jusqu'à la venue du Christ, tout le monde allait en enfer, même les gentils, et c'est la venue du Christ vraiment qui est le vecteur de salut, donc il descend les libérer, ce qui désole vraiment les démons, ce qui va avoir une suite dans le Merlin. Il faut préciser aussi que le roman nous dit aussi la raison de la trahison de Judas, et ça je trouve que c'est un détail absolument... C'est parce qu'il s'était... Alors il dit que la trahison de Judas, elle vient de ce qu'il percevait, la dîme sur tout ce que Jésus recevait. Parce qu'il était son chambellan, en fait. Parce qu'il était son chambellan, et quand Marie-Madeleine a versé du parfum sur ses pieds, il était triste d'avoir perdu la dîme du parfum qui valait très cher. Et cette dîme de parfum, ce parfum valait en fait 300 deniers, donc il voulait récupérer les 30 deniers qui lui étaient dus dessus. Et c'est pour ça qu'il a trahi. Donc voilà, c'est ça, ça commence avec ça, en fait, la prophétie, l'accomplissement du martyre de Jésus sur la croix, et au passage, beaucoup d'insultes envers les Juifs. Beaucoup d'insultes envers les Juifs, c'est une tradition qui est continue depuis chrétien. Hein. Non, c'est ça, ils sont pas tout seuls, mais voilà, L'antisémitisme classique du Moyen-Âge, en fait. C'est pas pour rien que Pilate devient gentil, parce que ça permet de mettre encore plus de la faute sur les Juifs avec Pilate. Vous aviez Pilate qui se lavait les mains, là, ça devient encore plus un pauvre procurateur romain à qui on a fait faire le mal, alors qu'il voulait rien d'autre que d'être un bon proto-chrétien. Donc ça commence avec le ministère de Jésus, on nous parle justement de la trahison de Judas, Jésus a été crucifié, etc. Et comment Joseph récupère son corps, ce qui est déjà dans les évangiles, et comment il le lave, et ce qui nous donne justement la scène où il récupère le sang dans le Graal, qui était l'écuelle avec laquelle il a mangé pendant la Sainte Cène, en fait. Donc, on est encore dans une dimension où c'est une écuelle. Hein, c'est un plat, c'est pas un calice. Il y a des représentations où vous voyez quelqu'un qui tient un Graal sous la croix avec le sang qui gicle depuis en haut. On n'est pas encore là-dedans. Là, il lave le corps, et le corps saigne pendant sa toilette mortuaire. Il y a beaucoup d'allers-retours. C'est-à-dire qu'on penserait qu'il va voir Pilate. Pilate lui dit, Joseph d'Arimathie, tu m'as bien servi, tu peux exiger ce que tu veux. Il dit, j'aimerais le corps du Christ. Et il dit, bon, ben, ok. Et on pourrait penser qu'il va choper le corps du Christ. Non, il va vers les soldats, et les soldats qui disent, non, il nous a dit qu'il allait ressusciter, alors on va garder son corps. Et donc Joseph doit faire des allers-retours. C'est que les soldats, dans ce narratif, sont pas des légionnaires, sont des juifs. Ouais. C'est toute leur faute. Et c'est pas les Romains qui emprisonnent Joseph, comme dans l'évangile Nicodème, c'est vraiment les juifs. Pilate, c'est pas du tout ce qui est arrivé à Joseph. Il est très triste quand Joseph disparaît, enlevé par les Juifs pour prévenir la résurrection du Christ, en fait. Parce qu'on dit que c'est des espèces de chevaliers mercenaires qui servent notamment Pilate et qu'ils servent bien, et c'est pour ça qu'ils lui donnent le corps du Christ. Donc il y a quand même des allers-retours qui prennent du temps. Il faut aller vers les soldats, les soldats disent non, on revient vers Pilate, on va retourner-y avec Nicodème. Ok, c'est très laborieux. Il a été, je veux dire, on penserait que la critique littéraire devrait pas juger ce genre de choses, mais vous remarquerez dans les éditions et les discours autour de Joseph, il y a beaucoup de gens qui admettent, ok, c'est pas un génie de la littérature qui a écrit ça, et c'est pas pour ses qualités littéraires qu'on se rappelle, en fait. D'ailleurs, la plupart des gens projettent ces critiques sur les versions en prose, en fait. Souvent, les versions en prose qui sont non plus pas tellement, qui sont un peu poussives, disons. La tension des romans en vers. Et du coup, si on s'imagine que Robert a tout écrit, c'est effectivement ça met beaucoup contre lui, si on peut le dire. Et donc, pendant qu'il lave le corps de Jésus, le sang s'écoule de ses plaies, il le récupère, et il se rappelle de la croix, de la pierre qui s'était fendue au pied de la croix pendant la crucifixion, et il nettoie bien le corps, etc., il le met dans le corps, il disparaît. Puis vient le moment où Joseph se fait emprisonner par les Juifs, et il passe, il passe un bon moment en prison. Et pendant qu'il est en prison, en fait, c'est là qu'il voit Jésus lui apparaître. Et c'est là que Jésus, en fait, lui donne le Graal quand il est en prison. C'est ça qui est un peu curieux, c'est que cette apparition ne s'accompagne pas de la libération de Joseph immédiate, comme c'est le cas dans la plupart des narratifs autour de Joseph. Ça s'accompagne justement de Joseph qui reste en prison après que Jésus lui soit apparu. En prison, il est littéralement emmuré avec rien. Il est genre emmuré avec pas de nourriture, pas de boisson. Et c'est justement le Graal, on voit se perpétuer le motif du Graal nourricier, parce que c'est le Graal apparemment, ou en tout cas la visite de Jésus et la grâce de Jésus, qui lui permet de subsister sans rien, un peu comme on le disait justement du roi Hesperitas déjà. Voilà, et c'est aussi l'occasion pour le rédacteur de ce vers, donc pour Robert probablement, de nous préciser que de cet emprisonnement, rien n'est dit par les apôtres ou par les évangélistes en fait. Donc ils ne savent rien de Joseph, et moi seul peux vous dire la vérité sur ce Graal. Si vous n'en avez pas entendu parler jusque-là, c'est pas étonnant. On vous cache quelque chose. Donc du coup, c'est là l'occasion pour le récit de changer un peu de perspective. On est toujours en Judée et on nous parle d'un pèlerin qui a vu les miracles de Jésus et qui se trouve à Rome, et il rencontre Vespasien, qui est le fils de l'empereur. Alors on ne sait pas de quel empereur il s'agit, parce que l'empereur au moment de la mort de Jésus, c'est Tibère. Vespasien, c'est un peu plus tard quand même. Mais on apprend que ce Vespasien est malade, il a la lèpre. Et c'est pas Titus qui a la lèpre. Alors Titus c'est l'empereur, ouais. Et Vespasien c'est le fils de l'empereur. Ouais. Oui, je sais, c'est confus parce en vrai Titus c'est le fils de Vespasien dans la vérité. Mais là, en l'occurrence, il s'appelle Vespasien et l'empereur s'appelle Titus. Alors qu'en fait, l'empereur c'est Tibère. Là. Il faut noter que dans certains narratifs, c'est juste l'empereur qui est malade, il y a pas le fils. Notamment dans l'évangile de Nicodème, de nouveau, il y a pas cette distinction. Ils ont emmuré le fils de l'empereur justement pour éviter qu'il contamine les gens, pour qu'il reste en quarantaine en fait. Et là, le pèlerin parle de Jésus de Nazareth, qu'il a été crucifié, c'est dommage, mais c'est par la faute de Pilate. Et Pilate, bien sûr, est vu à Rome comme étant responsable de cette mort de ce pèlerin, de ce prophète qui aurait pu soigner le fils de l'empereur. On se dit, c'est pratique, il fait des miracles. Et donc, Pilate trouve un moyen de blâmer les Juifs, évidemment, vu que c'est eux qui sont responsables après tout. De tous les malheurs de la chrétienté dans ce narratif. Et finalement, en fait, après plein des péripéties, ils arrivent à trouver Sainte Véronique, qui a sur le chemin de la croix, éponger le visage du Christ avec un linge sur lequel sa face s'est imprimée. Donc c'est pour ça qu'on appelle une Véronique, hein, une invention du Christ. Cette Véronique, justement, à la fois la sainte et son linge, sont amenés à Rome, où la vision du linge soigne le fils de l'empereur de la lèpre, puisque Vespasien est allé en Judée, justement, pour aller combattre les Juifs. Et donc, Vespasien punit les Juifs pour la mort de Jésus, et il libère Joseph, qui était enfermé, et qui, il demande, est-ce qu'il est encore là, vous avez infligé un déshonneur, etc. Et on ouvre sa prison, puis on voit qu'il est encore vivant, apparemment il a été préservé justement par la grâce de Dieu. Pilate est complètement exempté. Puisque Joseph peut dire que c'est pas sa faute. Et quand il trouve Joseph d'Arimathie, il lui dit « Vespasien, sois le bienvenu, que viens-tu chercher ici, que veux-tu ? Qui t'a appris mon nom ? Tu n'as pas voulu me répondre tout à l'heure quand je t'ai appelé de là-haut, parce qu'on ouvre sa prison, puis donc on voit comme ça. Il dit, je suis Joseph d'Arimathie, béni soit Dieu. » Donc Vespasien, c'est basiquement un chrétien, maintenant il a été converti par les miracles. Il dit « Je croirai en lui, je le vénérerai de tout mon cœur. » Et là, il y a des moments qui sont très... Le roman prêche beaucoup, il prêche énormément. Donc là, il nous dit, écoute bien mes paroles, Vespasien, c'est le Saint-Esprit, telle est ma foi, qui a créé tout ce qui existe, qui a fait le ciel, la terre, la mer, les nuits, les heures, les éléments et les quatre vents. Il a créé les archanges et aussi les anges. Et là, il commence à faire un récit, à partir du vers 2100 à peu près, qui parle de la chute des anges, qui est assez intéressant. Il parle justement d'anges qui étaient mauvais, pleins d'orgueil et de traîtrise, qui sont tombés. Et il dit que c'est une chute de 3 générations en enfer, 3 générations sur terre et 3 générations dans les airs, donc 9 générations en tout d'anges, à chaque fois dans une des strates du monde. Le maître de tous ceux qui tombèrent en enfer est Lucifer, et en enfer il tourmente les âmes. Ceux qui tombèrent sur terre tourmentent les hommes et les femmes et livrent une guerre acharnée contre leur créateur. Donc là on a déjà une démonologie, si on veut, presque des anges déchus qui sont sur terre et qui tourmentent les hommes et qui consignent par écrit tous les péchés des hommes pour pas qu'on les oublie. Et les 3 autres générations qui sont dans l'air, elles envoient sur les gens des dards, des javelots et des lances pour les abuser et les détourner du droit chemin. Donc on a cette espèce d'idée d'esprit dans l'air qui influence les gens. Il parle de ça pendant un bon moment, il parle de la création de l'homme, il parle de la perte que ça aurait pu signifier, de pourquoi le diable a essayé de perdre l'homme pour perdre la création, et de l'envoi de Jésus pour la rédemption du monde. Donc c'est un catéchisme en fait accéléré en 2 pages, on avait déjà un peu cette dimension dans Perceval, bien sûr, où c'était l'éducation chevaleresque qui avait ce rôle. Mais là c'est vraiment très très prégnant en fait. C'est pratiquement tout c'est écrit comme un roman d'édification en fait. Il faut dire aussi que Robert de Boron, il est dit qu'il écrit il n'est pas simplement, il écrit pas ça pour l'amour de l'art, il y a vraiment un but édificateur derrière, effectivement, c'est purement... Ça ressemble à une vie de saint dans cet aspect-là, en fait. C'est ce prêche un peu qu'on entend dès le début, quoi. Il adore parler, typiquement, là, Joseph dit Dieu, le Père, Jésus, le Fils, le Saint-Esprit, tu dois croire que ces 3 personnes n'en sont qu'une seule à Vespasien. Vespasien répond, je l'ai très bien compris, Dieu, le Père, Dieu, le Fils et le Saint-Esprit sont un même Dieu, ils n'ont qu'un même... L'unité de la Trinité, il nous rabâche beaucoup. Donc, entre les allers-retours dans l'action, le fait qu'il se passe pas grand-chose, le fait qu'il se répète beaucoup, voilà, c'est pas forcément le livre qui va vraiment vous transporter, malgré son importance, on va dire. Faut préciser aussi que c'est un peu aussi le cas dans Merlin, mais c'est beaucoup moins le cas dans Perceval. Donc, si vous voulez, si on veut y lire l'indication que le style de Robert de Boron, c'est vraiment le prêchi-prêcha à outrance, c'est peut-être plus probable que le Merlin soit effectivement basé sur un texte de Robert de Boron que le Perceval. Ça, c'est mon opinion, hein, moi. Ceci étant dit, ça conclut un peu cette deuxième partie qui nous amène à la, justement, donc Vespasien qui maudit les Juifs, voilà, c'est toute leur faute, et ils ont qu'à se convertir, s'ils veulent croire au Fils de Marie, qui est Seigneur de la Charité, à la Sainte Trinité, on peut les sauver. Sinon, on va les vendre comme esclaves, et il en vend 30 pour un denier. Donc, il vend 30 esclaves juifs pour un denier. Ce qui nous amène justement à la troisième partie qui va parler de la famille, si on veut, de Joseph et de son lignage qui va devenir très important pour le cycle du Graal. Donc après cette conversion forcée des Juifs, une partie des Juifs en fait rejoint Joseph de plein gré et accepte de croire en Jésus et ils vont s'établir. Alors c'est pas clairement précisé où ils s'établissent, c'est sous-entendu que c'est pour l'instant encore soit en Grande-Bretagne peut-être, mais peut-être aussi déjà en Judée encore. Et tout va bien pendant un moment, mais au bout d'un moment les récoltes de certains ne suivent plus et il y en a beaucoup qui sont victimes de famine et ils vont voir Bron qui est en fait le beau-frère de Joseph et lui demande s'il peut intervenir auprès de Joseph pour que Joseph leur dise qu'il va mal en fait. Et Joseph, quand il apprend ça, va prier devant il comprend qu'en fait leur péché c'était la luxure. Ceux qui ont péché sont victimes de cette famine. Et Joseph prie devant le Graal. Et là, la voix de l'Esprit Saint lui dit qu'en gros, il y a un projet, il y a un moyen d'apporter la grâce, et c'est de faire construire une table. Alors dans certaines sources, elle est carrée, mais ça pose problème après pour la table, parce que c'est un parallèle évident avec la table ronde. Donc du coup, après, on supprime le mot carré, qui va en fait être la réplique aussi du souper de la Sainte-Seine, en fait. Et à cette table, il y aura donc 13 sièges. Et il y en aura un de ces sièges qui sera laissé vide, parce que c'est le siège de Judas. Et Joseph doit envoyer son beau-frère Bron pêcher. Le premier poisson qu'il pêchera sera apporté à table et servi. Et pourront participer à ce repas que ceux qui ont vraiment la grâce, ceux qui n'ont pas péché, ceux qui croient véritablement. Et un siège sera laissé vide, ce siège qui sera plus tard le siège périlleux de la table ronde, qui était le siège de Judas. Et c'est effectivement ce qui va se passer, c'est ce qui va donner à Bron ce surnom de roi pêcheur, c'est lui le futur roi pêcheur, évidemment. Et c'est de lui que va descendre après la lignée de Perceval, dont le Perceval de Robert de Boron spécifiquement, puisqu'on se souvient que chez Chrétien, à part dans la continuation qui rejoint Robert de Boron, Perceval descend du, est effectivement parent du roi pêcheur, mais c'est un oncle, ou un grand-oncle, un cousin et un oncle, par sa mère, alors que là, c'est vraiment son père. Et la lignée maternelle de Perceval est un peu évacuée dans le cycle. C'est peut-être aussi une indication qu'on est face à quelqu'un qui a des prétentions qui sont peut-être plus légitimistes, en tout cas à faire de ça un portrait très chrétien, très orthodoxe. La lignée paternelle compte plus que la lignée maternelle, donc il peut descendre que par son père. Bref, reprenons, le rituel se passe en fait comme le décrit la voix. Joseph fait construire cette salle dans laquelle il y a ce repas qui est servi, et en fait seuls peuvent s'asseoir et seuls peuvent participer au repas ceux qui ressentent cette grâce, et ceux qui en sont exclus en fait doivent quitter la salle. Et régulièrement, tous les jours à terce, on va avoir cette cérémonie, et un de ceux qui sont exclus de la cérémonie, alors sous-entendu que ceux qui reviennent vraiment dans le droit chemin peuvent revenir, et un de ceux qui sont exclus, il s'appelle Moïse. Alors tout de suite, on va dire que c'est antisémite. Voilà, il s'appelle Moïse, ça pourrait être n'importe qui. Voilà, donc c'est non, probablement très antisémite. Voilà, ouais. Alors effectivement, Moïse est un personnage biblique, mais là, c'est écrit dans une graphique qui est différente, et c'est surtout clairement visé un nom qui, à l'époque de la rédaction, est porté uniquement par des juifs. Il n'y a pas beaucoup de quelqu'un qui s'appelle Moïse. L'idée, c'est qu'en fait, Moïse est secrètement toujours un juif à cœur et qu'il ne le croit pas vraiment. Mais il va vraiment aller dire ah oui, mais je crois, je suis terriblement, je me sens exclu. Désolé, je me sens exclu. Et alors, Joseph va prier, et la voix lui dira « Ah, si tu veux, laisser Moïse, tu peux lui permettre de s'asseoir à cette place vide. » Et c'est ce qui va se passer. En fait, Moïse va être instantanément englouti dans les profondeurs de la terre. Mm-hmm. Et c'est là qu'on va révéler les pouvoirs vraiment aussi un peu plus sinistres, peut-être, de Jésus. Et on explique à Joseph qu'en fait, au fond de son cœur, Moïse était tout complètement impur, que c'était un juif. Il était hypocrite, voilà, en fait. Hypocrite. Et qu'il a été imbécile de vous croire que ce serait aussi facile. Donc, après ces événements, sur ces entrefaites, on nous explique que la communauté va vivre plus ou moins dans la paix relative. Il va avoir un état de grâce, en fait. Et Bron et Énigé, la sœur de Joseph, vont avoir 12. Alors, je ne sais pas quel est le vers en français, mais la traduction de Micha parle de 12 grands-enfants, 12 large sons. vont avoir 12 grands-enfants qui vont tous se marier, sauf l'un, qui s'appelle Alain. Et alors, Joseph va décider que alors ils vont tous devoir se marier sauf l'un d'entre eux, et en fait il y en a un qui veut pas se marier, qui sent pas prêt, et il va garder ce fils de Bron près de lui, Joseph, et ce fils s'appelle Alain, il va plus tard s'appeler Alain Ligro. Alors le gros, voilà. Il nous dit que ouais, il voulait pas se marier, il a pas envie d'une femme, il préfère être écorché vivant plutôt que se marier. Donc lui, il va être le gardien de ses frères, en fait. Je me demande s'il n'y a pas un parallèle aussi avec l'histoire de Joseph là-dedans, où il y a un autre qui est élu au-dessus des autres. Voilà. Donc du coup, il va avoir un état particulier, en fait. Donc de nouveau, on nous répète l'éducation que va avoir Alain. Et Alain est destiné à être spécial parce qu'après un moment, il va avoir une femme et il va avoir un fils. Et ce fils reviendra trouver le Graal. Puisque le Graal sera confié à Bron, qui va devoir aller le porter et le garder dans l'Ouest, en fait, et il va devenir le roi pêcheur tel qu'on le connaît dans la légende du Graal ultérieure. Un des disciples qui s'appelle Petrus va lui aller en Avalon. C'est assez peu clair le rapport avec Avalon, je trouve, là-dedans. Enfin, en gros, lui, ce sera lui qui expliquera, il aura le rôle explicatif. Donc, c'est sous-entendu que c'est l'ermite, en fait. Ouais, l'oncle ermite de Perceval, peut-être. Ouais, alors, on nous dit dans le Perceval, on le verra plus tard, qu'il a vraiment un oncle ermite, comme dans Chrétien, sauf qu'on nous avait dit au préalable que tous ses oncles étaient morts, donc c'est peut-être sous-entendu que ce Petrus est cet ermite. Ouais. Et que l'en fait d'en faire un oncle serait un moyen de relier avec Chrétien, mais qu'en fait c'était peut-être lui. On ne sait pas très bien. Toujours est-il que tout ce beau monde part, sauf Joseph, qui lui reste jusqu'au dernier service, où il va mourir en fait lors de ce dernier service, et le rôle de gardien du Graal va passer à à celui du riche roi pêcheur, qui est maintenant le détenteur du Graal et qui va s'asseoir à la place de Jésus à la table du repas. Il va partir. Et c'est là que nous dit le texte, « Ceux qui veulent entendre l'histoire complète devront savoir ce qu'il est advenu d'Alain, le fils de Bron, où il est allé et ce qu'il a trouvé, et où il était trouvé. » Et le texte nous dit aussi qu'il nous dira ce qui est vraiment arrivé à Moïse, et ça sera vraiment des choses omises plus tard, en fait. Voilà, même on ne saura jamais ce qui est arrivé à Moïse. Même si c'est effectivement assez clair, il allait aux enfers, en fait. Ça, ouais. C'est un peu explicité dans le début du Perceval, en fait, avec l'incident du siège périlleux. Et où le riche roi pêcheur est allé, on ne dit pas vraiment clairement où il est allé, mais comment il a été trouvé par celui qui devait revenir. Et le texte nous dit qu'il reliera toutes ces branches ensemble, comme il les a séparées, dessinées ici. Il dit qu'il va revenir. Il va revenir à cette histoire, mais avant il va parler d'autre chose. Voilà. Donc il nous parle quand même d'un projet, mais il nous montre déjà des signes que ce projet littéraire de faire un cycle qui expliquerait tout ça sera contrarié. Et vu les textes qui nous arrivent, effectivement, on nous a un peu menti sur la marchandise. Ça, on ne l'a pas vraiment eu. On ne sait pas donc ce qui est arrivé. Il y a un peu des incohérences qui ont été pointées, notamment sur ce qu'il dit de qu'est-ce que Pétrus doit faire. Il est censé attendre une lettre, lire une lettre. Est-ce que c'est Alain? Est-ce que c'est son fils qui doit le faire? Mais en tout cas, on a l'idée qui arrive du service du Graal, de la personne qui doit maintenir le Graal, qui est une seule personne qui peut le faire à la fois. Donc dès que vous renoncez au service du Graal, vous mourrez peu de temps après, puis ça passe au suivant. Cette idée de royauté du Graal, si on veut, de roi du Graal, elle va être extrêmement influente jusqu'à aujourd'hui. Et on a aussi cette idée que Perceval tient son importance de son lignage. Avant, son lignage était relativement important, il y avait clairement une question familiale dans le conte du Graal, mais là on a vraiment l'idée que le lignage, le fait qu'il descende d'une lignée élue particulière, destine Perceval à cette quête. C'est pas parce qu'il voit le Graal, d'ailleurs dans le Perceval en prose on va voir, il n'y a pas le premier cortège du Graal, c'est pas parce qu'il a été témoin de ça, tout le monde en est témoin, hein. Ça arrive à la table ronde, il y a une voix qui parle à tout le monde, mais c'est vraiment sa lignée qui le rend élu pour cette tâche. C'est aussi peut-être une des distinctions effectivement principales des chrétiens, mais c'est aussi quelque chose qui va devenir après très important pour ce qui est du héros du Graal des versions de la Vulgate et de la Post-Vulgate, qui est Galad. Galad descend de Lancelot, donc c'est aussi l'intégration de Lancelot, qui est un personnage un peu extérieur à ce Graal vraiment de plein droit. Mais Galad descend aussi du roi pêcheur dans les versions de la prose vulgate et de la post-vulgate, parce qu'il est le petit-fils aussi du roi pêcheur par sa fille cette fois-ci, Hélène de Corvigny, qui va l'enfanter avec Lancelot, en fait. Donc il y a là, je pense, Il descend aussi de Salomon, parce que il descend de tout le monde. Il descend de Mais je veux dire, c'est là qu'on voit vraiment la racine. Alors, dans le Perceval le chrétien, oui, Perceval était relié au roi pêcheur, le roi pêcheur était son cousin, le roi blessé était son oncle. D'ailleurs, il y a déjà plus la distinction entre le roi pêcheur et le roi blessé ici, qui va revenir après chez Mallory, mais là, pour l'instant, il n'y a vraiment pas de distinction. Pour le coup, on est vraiment dans une affaire très très simple, qui simplifie grandement en fait l'histoire de Chrétien. Chez Chrétien, il y avait cette confusion, ces deux rois, la relation de Perceval avec eux est un peu compliquée. Là, c'est clair, Perceval est destiné à être le petit-fils le fils d'Alain le Gros, le petit-fils du dieu de Bron, le roi pêcheur. Et Bron, le roi pêcheur, est lui-même le beau-frère de Joseph d'Arimathie. Donc il y a une certaine immédiateté en fait. Ouais, quatre générations après le Christ. Soit tout ça toute l'aventure arthurienne se passe au 2e siècle après Jésus-Christ au plus tard, soit, et c'est mon hypothèse favorite, la lignée du Graal sont en fait des dunes d'un. Ouais, c'est l'origine, c'est en fait, je vais te dire, le livre rouge de la marche de l'Ouest a trouvé son chemin dans les mains de Robert de Boron qui l'a utilisé comme source, l'arrivée des dunes d'un, des Numénoréens en terre du milieu, en fait, c'est l'origine de l'arrivée du Graal en Bretagne. Antoine, tu peux bien nous faire croire avec Wikipédia que tu connais Tolkien, mais on sait très bien que tu ne l'as pas lu. Non. Je vous propose qu'on fasse une pause musicale avant de passer à la suite. On va passer à la suite juste après ça. Donc on va reprendre maintenant pour le Perceval en prose. La prochaine fois on vous parlera du Merlin en prose. Je pense qu'il est assez séparé de ces deux œuvres. Là on a clairement le fil rouge du Graal qui va nous permettre de faire une suite. Puis surtout on parle juste après, la dernière fois le mois passé, des continuations du Perceval. On est vraiment en plein dedans. Est-ce que le Merlin il est un peu à part? Donc c'est des épisodes qu'on a déjà vus. Comment Merlin naît, ça c'est nouveau avec toute la démonologie autour. Mais les enfances de Merlin, le fait qu'il aide Vortigern, qu'il aide les fils de Constant, qu'il aide Uther, qu'il aide à amener Arthur sur le trône, ça, c'est des choses qu'on a un peu déjà vues. Puis il y a l'épée plantée dans l'enclume qui est un peu une innovation. Il faut préciser aussi peut-être que là, on nous introduit dans le Merlin la relation entre Merlin et Blaise. Mmh. Et Blaise, c'est le confesseur de sa mère, c'est le maître un peu de Merlin. Et c'est Blaise, en fait, qui... Si vous avez vu Kaamelott, vous connaissez le père Blaise, mais il n'y a pas forcément beaucoup de versions qui mentionnent Blaise en général, qui va être le chroniqueur en fait. Merlin va expliquer l'histoire à Blaise, puisque Merlin peut voir tout ce qui s'est passé avant sa naissance et qui se passera après de son vivant et après sa vie. Il peut voir le futur et le passé, et il peut tout raconter à Blaise qui va mettre à l'écrit ce texte. Donc le texte nous dit qu'il est la transmission à partir de Merlin. C'est pas tellement le cas dans le Joseph d'Arimathie, mais clairement à partir de Merlin il y a cette notion que Merlin raconte à Blaise, et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans le Perceval. Oui. Par moment, cette idée de d'où est-ce qu'on tient l'autorité du récit. Et dans le Perceval on va même avoir des passages, je crois, où on nous dit Chrétien de Troyes ne parle pas de ça. Chrétien de Troyes, il vous a raconté une histoire, mais il vous a raconté des cracks. Moi je vais vous dire la vraie histoire de Perceval, ce qu'il en est. Petite on a déjà parlé des manuscrits et tout, donc il y a le manuscrit Dido, donc de Paris, qui est assez corrompu, et le manuscrit Modène qui fait autorité aujourd'hui. Il faut dire que l'histoire, comme on l'a dit avant, peut se séparer en deux grandes parties. On a l'histoire de Perceval d'abord, et probablement ce qui est une branche séparée, le prototype de ce qu'on va appeler les Mort Arthur, les Mort Arthur ou la Mort le Roi Arthur, c'est la partie des chroniques de Geoffrey Wass ou Lachman qui raconte la mort d'Arthur, la mort de Gauvain notamment, et la fin du royaume arthurien. Et vraiment ce... Toute l'histoire de Mordred en fait. L'histoire de Mordred. Et en fait, c'est là qu'on va voir... On va voir certaines traditions apparaître là pour la première fois, typiquement celle de Gauvain qui se fait tuer par un coup de rame par un Saxon. C'est la première fois qu'on l'a explicitement là, en fait. Probablement qu'elle est plus vieille. On en parlera en fait plutôt la prochaine fois, parce que c'est plutôt à mettre en connexion avec le Merlin. C'est-à-dire que le Merlin, c'est vraiment la construction du royaume arthurien. La mort Arthur, c'est la destruction. C'est ce que le Perceval répond vraiment au roman de l'histoire du Graal. C'est là peut-être qu'il y a la distinction la plus intéressante à faire, et l'explication de pourquoi Robert de Boron est si intéressant, enfin pourquoi cette trilogie associée à Robert de Boron, c'est je pense le terme le plus acceptable qu'on puisse utiliser, est importante. C'est parce qu'elle est vraiment la première à relier, on est tout au début du XIIIe siècle, hein. On n'a pas tellement parlé des dates, hein, mais on est vraiment dans les toutes premières années du XIIIe siècle. C'est la première fois qu'on va vraiment avoir dans un texte explicite, parce que je vous souvenais du manuscrit dont je vous avais parlé quand on parlait de Chrétien de Troyes et de Lachman et de Lachman et d'Oise, ce manuscrit français qui combine Oise et les romances de Chrétien. Là, on est vraiment plus tardivement. Là, c'est vraiment la première fois qu'on a un effort d'un auteur pour combiner les deux traditions dans un même récit. Le Merlin et la mort d'Arthur du Perceval, on l'appelle le Perceval seulement parce qu'il est conservé intégralement, mais si ça se trouve, effectivement, à l'époque, il y avait des versions qui circulaient sans cette mort Arthur ou de cette mort Arthur spécifiquement, s'il circulait isolément. Mais ce qu'on peut remarquer, en fait, c'est que c'est vraiment une tentative de prendre pratiquement tout ce qui existe de la légende arthurienne à ce moment-là et de le combiner. Ce qui manquerait, ce serait peut-être l'histoire de Lancelot, l'histoire de Tristan voilà. Et Iseult, par exemple. Et ça va être intégré plus tard. Ça va être intégré plus tard. C'est peut-être cette volonté, en tout cas, de combiner cette histoire canonique historique de Geoffrey de Monmouth, de l'histoire de Montagné, de Wass, de Lachman, avec une histoire un peu plus romanesque. Il faut dire aussi que c'est moins c'est le récit de Perceval fait des efforts pour le rendre un peu plus romanesque, comme un roman de chevalerie, mais on reste un peu dans une dimension un peu séparée. Mais il y a clairement la volonté d'associer cette histoire canonique à l'histoire du Graal et cette histoire chrétienne, cette christianisation d'Arthur telle qu'elle a lieu là. Et c'est effectivement avec le roman en prose qu'on va vraiment ajouter, la Vulgate en prose, qu'on va vraiment ajouter ces autres romans. Mais pour l'instant, on en reste au Perceval en prose, qu'on appelle aussi Dido Perceval. Je le rappelle, surtout les Anglais, ils continuent à l'appeler Dido Perceval. Il faut dire aussi que ça a été son nom pendant très longtemps. Ça a été son nom pendant très longtemps, et puis voilà, les noms sont très arbitraires, je dois admettre. Qui commence, comme souvent pendant une fête chrétienne qui permet de réunir tout le monde, c'est à une fête de la Pentecôte, qui, nous dit-on, a été la plus belle fête qui n'a jamais donné lieu. Qu'aucun roi ne réunit une cour aussi grande. Et le bruit de sa renommée parvint dans la région où vivait Alain le Gros, donc là on nous arrive aux descendants de Bron, qui se disait que quand son fils Perceval serait en âge d'être adoubé, il l'enverrait. Alors là, on a déjà, on n'est plus du tout dans le même monde que le Comte du Graal. Je vous rappelle que dans le Comte du Graal, le père de Perceval est mort pratiquement quand il avait 2 ans. Alain le Gros, il pense à l'envoyer être chevalier. Alain va mourir, Et Perceval va se dire, bon, ben, c'est le moment d'aller à la cour d'Arthur pour devenir chevalier. Et sa mère va mourir de chagrin, mais parce qu'elle a peur qu'il se fasse manger par des bêtes sauvages. Et il y a un extrait du manuscrit de Paris qui est différent. Oui, il introduit en fait un élément explicite qui dit à une voix, en fait, la voix du Saint-Esprit, c'est la même qui est très présente dans le Joseph d'Arimathie, qui va venir dire à Alain, il faut que tu envoies ton fils à la cour d'Arthur. Et cette même voix va après, c'est celle qui va annoncer la quête du Graal. Oui. Donc, elle dit explicitement que le père de Alain, donc Bron, ne peut pas mourir tant qu'il n'aura pas été visité par Perceval, ce qui met en branle toute l'histoire. En fait, ce qui pousse Roach à dire que ça, c'est probablement s'il y a quelque chose qui vient de la version de Robert, donc la version originale, parce que Roach estime qu'il y a une version originale du narratif de Perceval en prose ou en vers, mais celui de cette trilogie de Robert, et que la version qu'on a aujourd'hui, on lui a ajouté des éléments de Chrétien et de la continuation. Ce qui me semble un peu douteux, il semblerait quand même assez improbable que la version originale, disons la version la plus ancienne de cette version en prose, ne se base pas déjà en partie sur Chrétien ou un analogue qui servit de source à la fois à Chrétien et à Robert. Mais en tout cas, ça semble très très effectivement robertesque si on veut, parce que cette idée d'une voix qui vient dire des trucs pour faire avancer l'histoire, c'est le genre de développement que Robert de Boron adore en fait. Et il y en a vraiment partout dans Perceval, dans Perceval après ça, et aussi avant dans le Joseph d'Arimathie. Donc c'est pas très subtil, c'est même assez cliché, mais ça marche. Donc bah ça va devenir une marque de ce genre de littérature. Je veux dire, la voix qui annonce au chevalier ce qu'il doit faire ou ce qu'il doit, ça va devenir aussi une des marques du merveilleux dans cette littérature. Mais jusque là c'est relativement peu présent. Il y a des gens qui viennent parler typiquement dans le conte du Graal, c'est des gens moches qui viennent crier dessus, mais là c'est une voix. Et le manuscrit de Modène, beaucoup de gens pensent que le manuscrit de Modène en fait est meilleur parce que son rédacteur a exprès de clarifier l'histoire, de la rendre un peu plus cohérente. Et effectivement, même si les versions du Joseph en prose et du Merlin dedans sont un peu moins, sont pas des versions de référence, elles sont assez bien intégrées ensemble. Il y a des efforts faits pour rendre la lecture du cycle complet intéressant. Et c'est peut-être pour ça que c'est aussi intéressant de lire le manuscrit de Modène en entier, depuis son Joseph jusqu'à son Perceval. Ce qui nous amène donc, le début est quand même assez différent. Le centre de l'histoire, le cœur de l'histoire va beaucoup ressembler à ce qu'on a vu dans les continuations et le conte du Graal, beaucoup d'épisodes repris. Très souvent en changeant un peu le sens ou en rajoutant des explications. Le début est très différent, donc la mère de Perceval meurt de chagrin quand il part, mais pas parce que ses frères et son père auraient été morts au combat ou ce genre de choses. Non, c'est parce qu'elle a peur que des bêtes sauvages le mangent et donc elle meurt. Voilà. Perceval arrive à la cour du roi Arthur, il s'intègre relativement bien. Il n'y a pas du tout l'aspect que Perceval est un bouseux. Non, il n'est pas du tout un idiot en fait. Il n'a plus du tout cette naïveté. Il n'a plus du tout la première visite au château du Graal où il oublie de poser une question. Tout ça passe à la trace. Son éducation chevaleresque aussi, d'ailleurs, on nous dit juste qu'il est excellent. Un bon chevalier à la cour du roi Arthur. Il est excellent dès le départ pratiquement. Mais il n'est pas encore parti de la table ronde. On nous dit que les chevaliers de la table ronde, il y a Lancelot, il y a Sagremort, il y a les deux Yvain. Comme dit Roach, quand on mentionne un Yvain, on est toujours obligé d'en mentionner un deuxième. Ouais. En l'occurrence, Yvain Blanchemain. Et il y a les quatre fils du roi Lot d'Orcanie qui est quand même pas mal plus âgé qu'Arthur, le Merlin, on le verra, Mégovin, à peine quelques années plus jeune qu'Arthur. Et on nous dit que les quatre fils de Gauvin sont Gauvin, Guirès, Gariès et Mordred. Et on nommait à Gravin parce qu'on mentionne justement Guirès et Gariès et qu'il peut toujours y avoir que trois frères à Gauvin. Ouais. Donc c'est vraiment c'est l'archétype assez de ce genre de liste. Même si les événements sont très différents de Chrétien, on est dans un genre qui veut clairement se rapprocher de ces romances. D'ailleurs, à propos d'archétype et de la fraternité de Gauvin, je vous rappelle que là, on a un nouvel exemple de l'archétype du réservoir inépuisable de sœurs de Gauvin qui continue à sortir. Il y a la fille du roi Lot d'Orcanie qui s'appelle Hélène et qui est amoureuse de Perceval le Gallois et qui lui envoie en fait des armes pour qu'il joute pendant un tournoi. Il affronte notamment Sagremort, donc Sagremort le déréglé, avec succès. Et on disait qu'il abat notamment que Yvain, et on lui dit ce serait bien qu'il occupe le siège vide qui est à la table ronde. Et le roi dit je veux que vous fassiez partie de la table ronde, mais il veut pas qu'il s'assied parce que le siège vide, ben c'est le siège qui fait écho justement à la table du Graal, le siège qui fait écho au siège de Judas. Donc là on a vraiment un rapport d'homologie entre la table de la scène où Jésus a donné la dernière scène, la table du Graal où Joseph d'Arimathie a donné ce repas en écho, et la table ronde. Et Perceval implore Arthur de le laisser s'asseoir parce qu'Arthur sait qu'il faut pas se laisser s'asseoir. Et puis il faut dire aussi qu'il y a le public en fait, toute la cour est très très dans l'idée que Perceval est si fantastique, il doit pouvoir s'asseoir là, alors qu'il est quand même un relativement jeune chevalier. Hein. Ouais. D'ailleurs, Hélène n'interviendra pas après, c'est juste vraiment l'élément déclencheur, c'est ça. Et beaucoup de gens voient dans ça, Roach voit dans ça typiquement une partie qui est clairement une innovation qui n'est pas du tout présente ailleurs, même si l'idée d'un tournoi c'est très courant, là c'est spécifique. Et d'ailleurs, le siège s'appelle pas encore le siège Périlleux, le nom est pas encore donné tel quel, mais c'est l'idée d'un siège sur lequel seul le meilleur chevalier du monde peut s'asseoir. Et d'ailleurs, là, le siège, d'ailleurs, même si le meilleur chevalier du monde s'assied dessus avant d'être prêt, ça va pas marcher. Alors, dans le cas de Galahad, Galahad peut s'asseoir dessus avant d'avoir fait sa quête, il me semble. Là, il est pas encore. D'ailleurs, justement, il y a une voix, en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il s'assied dessus dès qu'il eut pris place. Je vous lis la traduction de Baumgartner, justement, de cet épisode. Quand Perceval s'assied, il se signe au nom du Saint-Esprit, il s'assied sur le siège, et dès qu'il eut pris place, la terre sous lui se fendit et cria si douloureusement que tous ceux qui se trouvaient là eurent l'impression que le monde s'engouffrait dans l'abîme. Au cri de la terre jaillirent des ténèbres si épaisses qu'on ne pouvait plus se voir sur plus d'une lieue. Ils entendirent ensuite une voix qui dit « Roi Arthur, tu as commis la plus grave faute qu'ait jamais commise roi de Bretagne, car tu as transgressé les ordres de Merlin. Quant à Perceval, sache-le, il a accompli l'acte le plus audacieux qui ait jamais été fait, mais qui le précipitera, lui et les compagnons de la table ronde, dans les plus grands tourments du monde. Et n'eût été le mérite d'Alain le Gros, son père, et de Bron, son aïeul, celui que l'on appelle le roi pêcheur, il aurait été englouti par l'abîme et il serait mort de la mort atroce que subit Moïse, quand, sans en avoir le droit, il prit place sur le siège que lui avait interdit Joseph. » Et donc, faut peut-être préciser ici que ça dépend des versions. Je crois que certaines versions ne mentionnent pas que le Bron est le roi pêcheur en fait dans cette situation, ou en tout cas n'explicite pas que le roi pêcheur c'est le roi du Graal. Donc il y a quand même une surprise quand il arrive au château du Graal et que non, c'est mon grand-père en fait. Et donc il dit bon bah notre Seigneur révèle que ce vase que Jésus-Christ vient donner à Joseph dans sa prison, ce vase qu'on nomme le Graal, est dans ce pays. Donc là, il y a une voix qui annonce « Hey, tout le monde, c'est l'heure de la chasse au trésor, le Graal est dans votre pays, il faut le trouver. » Et je sais que c'est devenu un vase, hein. Ça dépend des traductions. Ouais. Et le roi pêcheur est atteint d'un mal très grave, d'une douloureuse infirmité, et ce mal ne guérira que, et sache-le, la pierre du siège de la table ronde, donc qui s'est fendue quand Perceval s'est assis, ne sera ressoudée que quand un chevalier aura accompli plus d'exploits et de prouesses que tout le monde réuni ici. Faut aussi préciser que la pierre fait probablement écho à la pierre qui se fend sous la croix de Jésus. Sous la croix de Jésus, hein. C'est synonyme. Il y a vraiment une continuité. Il y a une continuité qui est presque sacrilège dans le cycle boronesque entre Jésus, la table du Graal de Joseph d'Arimathie et la table ronde. Quand on pense que finalement c'est une littérature qui est finalement profane et purement littéraire, il y a un côté presque, peut-être pas hérétique, mais en tout cas hétérodoxe, c'est pas vraiment orthodoxe ce qu'il est en train de nous raconter sur le fait que la Bretagne a un destin privilégié dans l'histoire du christianisme à cause de cette relique suprême et plus importante que toute. C'est quand même, ça puise dans le même genre de merveilleux chrétien qui est toléré, mais là ça prend une dimension où on se dit, ah, ça peut quand même poser problème. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une, en tout cas dans Joseph d'Arimathie, une telle focalisation sur l'orthodoxie religieuse, sur la bonne façon d'être un chrétien, la vénération de la Trinité. Ça s'accompagne évidemment, c'est dans un contexte de renouvellement, on est dans la réforme grégorienne, bon ça c'est vrai de toute l'époque dans laquelle ces romans sont écrits, mais on est vraiment dans une back to basics peut-être, si on peut le dire comme ça. Donc il y a, ça s'accompagne évidemment, ça participe de ce projet aussi de retour aux bases. Donc c'est peut-être en s'alignant là-dedans que l'auteur fait passer la pilule. Et c'est ce qui déclenche donc la quête du Graal. On nous dit aussi, c'est un peu l'idée de ce temps aventureux qui est déclenché par le Graal et qui va se finir quand la quête sera résolue, c'est-à-dire... Oui, il nous parle d'enchantement sur l'île de Bretagne. Voilà. Hein. Quand Perceval aura demandé ce qu'on fait du Graal. Donc là... On nous dit explicitement la question qu'il doit poser. Oui, c'est ça. Il a littéralement plus rien à faire. Il arrive, il est déjà... Il n'y a plus du tout le côté initiatique. C'est-à-dire qu'il arrive, il est déjà un bon chevalier. On lui dit littéralement quelle question il est censé poser. Et en plus, il va échouer. Donc bon, là, on se dit, si on veut, le roman, en gros, prend la structure du Perceval à partir du retour à la cour d'Arthur après l'échec. Ouais. Si ce passage-là est vu comme l'équivalent de la demoiselle hideuse qui vient déclencher le temps aventureux dans le Perceval, ça fait un peu plus. Disons, la structure fait plus sens si vous le voyez comme ça. Vous allez quand même avoir un autre échec au château du Graal. Alors, il va quand même avoir ce dédoublement, mais il va se passer très rapidement de l'un à l'autre, en fait. Ce qui nous amène, donc, ça déclenche la quête. Perceval fait de nouveau le serment de ne pas se coucher deux nuits de suite au même endroit sans avoir trouvé le château du Graal. Il va d'ailleurs rompre ce serment à un moment, ce qui va être assez important. Il faut préciser peut-être qu'à l'époque, on ne sait pas encore que c'est Perceval qui a trouvé le Graal. Hein. Oui. Il n'est pas prédestiné, enfin, il est prédestiné, c'est vrai, mais les autres chevaliers ne le savent pas. D'ailleurs, beaucoup de monde part pour essayer de trouver le Graal. Tout le monde. Alors qu'on sait que c'est Perceval seul qui pourra le trouver, parce qu'on sait, on l'a lu, on sait qu'il est le petit-fils de Bron. Mais les autres chevaliers ne savent pas que Bron, le roi pêcheur, c'est lié au Graal. Donc il y a clairement cette notion que tout le monde part, mais que seul Perceval y parviendra. Puis la dimension collective de la quête du Graal qui est vraiment assumée, là, comme un peu les continuations. Alors qu'elle. Ouais, mais dans les continuations, c'est vraiment que deux personnes, hein, c'est Gauvin et Perceval qui sont vus comme les meilleurs potes. Après, ça sera plus collectif encore dans la Vulgate qu'on verra plus tard. On peut maintenant parler des différentes épreuves que Perceval va affronter, qu'on a souvent déjà vues, même si elles vont être un peu réinterprétées. La première, c'est celle de l'orgueilleux de la lande. Donc, vous vous rappelez, Perceval avait agressé sexuellement sa femme en l'embrassant de force, et donc il avait puni sa femme, il avait traîné avec lui. Là, on n'a plus du tout ça. C'est-à-dire que ça reste un espèce de salaud qui agresse des gens. Il s'appelle l'orgueilleux de la lande. Il s'appelle toujours l'orgueilleux de la lande, et Perceval le vint. Mais il n'y a plus du tout cette faute primordiale. On a enlevé, disons, il y a tellement un focus sur la pureté et le fait de ne pas commettre de péché que ce serait bien sûr absurde si Perceval faisait ce genre de choses, parce qu'on se dirait, bon, ben, il n'est pas vraiment pur et il ne peut pas être accepté par le Graal. On ne l'a pas vraiment dit, mais Robert de Boron a introduit un jeu de mots pour expliquer le Graal, où il dit « Il s'appelle le Graal, je crois, car il agrée à la présence des gens. Donc il doit accepter les gens et il peut refuser des gens. Donc c'est pour ça qu'il... » Ou aussi, peut-être que c'est assez peu clair, mais c'est possible aussi que sa présence soit agréable. Mm-hmm. C'est aussi, une notion... Enfin, il est agréable, voilà. Ou il agrée aux gens. C'est une notion, alors qui n'est pas du tout étymologiquement correcte, hein, mais qui est ce voisin... en tout cas en termes d'appréciation, d'agréabilité. Et donc Perceval vint, l'orgueil de la lande, et toutes les jeunes filles qu'il avait inféodées, passons un peu dans l'état, il a aussi un nain qui fouette des gens, comme le chevalier que Erek avait rencontré. Il faut préciser aussi que ça commence, la demoiselle avec qui va aider, c'est le même schéma que la demoiselle qu'il croise juste après son échec au château du Graal, qui est voilà, sa cousine. Qui a un homme... Là, au lieu d'avoir ce schéma de l'homme du chevalier mort, le chevalier a été tué par l'orgueil de la lande, et il doit le venger, en fait. Voilà. Et c'est un schéma assez courant aussi. Ouais. L'idée de la vengeance. C'est une version un peu téléphone arabe, si on veut, de l'épisode de l'orgueil de la lande, qui nous emmène au château de l'échiquier. Donc on l'a déjà vu, Perceval arrive dans un château, il y a un échiquier qui joue tout seul, et puis la dame, lui, il tombe éperdument amoureux de la dame. Là, la dame, elle prend vraiment la place de Blanchefleur, parce qu'il n'y a pas Blanchefleur dans le Perceval en prose. Bah oui, forcément. Elle a plus le rôle justement de châtelaine, qu'elle n'avait pas forcément, parce qu'elle avait un côté plus féerique et peut-être sensuel. Là, elle va vraiment prendre ce rôle que Blanchefleur avait. Et donc il tombe amoureux, elle dit, bah, il faut que tu me ramènes le cerf blanc qui rôde dans ces forêts. Elle lui confie un chien, comme on l'a dit dans la deuxième continuation. Faut préciser aussi que, comme dans le Perceval de Vaucher, dans la deuxième continuation, Perceval est très... Enfin, il a beaucoup il est un peu un coureur. Il y a beaucoup de dames qui tombent amoureuses de lui ou de qui il est amoureux. Mm-hmm. Hélène, par exemple, qu'on a mentionné avant, hein, elle n'est plus rementionnée après, la sœur de Gauvin. Ouais, son quitté là. Pareil, la demoiselle, après le retour de Perceval, va pas se passer grand-chose. On a de nouveau le même épisode que dans la deuxième continuation, c'est-à-dire qu'il se fait voler la tête du cerf blanc et le cheval, alors qu'une dame lui avait dit « Allez insulter cette tombe », il y a un chevalier qui va sortir, il se bat. Exactement la même chose, quelqu'un vole le cerf et le chien. Ça va être expliqué d'une manière peut-être un peu plus... ça va être plus contextualisé que là, mais on a exactement la même chose. Puis il part et il essaie de retrouver le cerf blanc et le chien, ça va de nouveau servir un peu de fil rouge pour la partie centrale. Il arrive dans la Gasteforêt, qui est donc la terre de sa mère, et il rencontre une jeune fille qui était sa sœur, mais qui apparemment le reconnaît pas tout de suite. Comme dans Perceval. Elle lui dit genre, j'avais un frère, nous étions de la même mère et du même père, blablabla. Ah, c'était sa cousine dans le Perceval. Il y avait sa sœur aussi à un moment. Hein. Il allait voir une sœur. Non, c'est dans le Père Lesbos qu'il voit sa sœur. Oui. Je crois que c'est sa cousine effectivement dans Perceval. Bref, il va avec sa sœur à un moment. Sa sœur l'amène à l'ermite. Donc là, on est de nouveau dans plutôt la visite à l'ermite proche de celle de la continuation plutôt que celle du conte du Graal. Hein. Mm-hmm. Et de nouveau, visite à l'ermite. Qui lui révèle d'ailleurs, prenez soin de suivre. Il lui parle de sa lignée justement. Il dit, prenez soin de suivre ces hommes, donc le roi pêcheur. C'est là qu'on a vraiment l'idée que, parce que Perceval connaît déjà le Graal, hein, mm-hmm. C'est là qu'il y a vraiment l'idée que Perceval va être le descendant des gardiens du Graal. Et c'est juste pas ça en fait. C'est le seul élément qu'il connaît pas vraiment. Mm-hmm. Et c'est là que ça va lui être expliqué. On dit que cet oncle, justement, cet oncle ermite, est venu de la terre de Judée, de la région de Jérusalem en ce pays. C'est l'un des frères de votre père, Alain le Gros. Et s'il demande à Jésus-Christ dans ses prières que Dieu vous guide. Donc c'est un des frères, un des 11 frères d'Alain le Gros. Donc théoriquement, c'est. Ouais, le problème c'est qu'on nous avait dit dans l'introduction du Perceval que, ils sont. Donc comme on vous l'avait dit avant, hein, c'est possible que le sens est censé être Petrus. Mais c'est pas très clair. De nouveau, hein, cette immédiateté entre la lignée de Perceval, enfin, entre la génération de Perceval et la génération de Bron, qui est quand même très curieuse, puisque c'est quand même censé se passer un peu plus tard. Mais enfin, il y a cette proximité-là. Et là, il faut aussi, c'est assez marrant, après être parti de chez l'ermite, vous vous souvenez, dans la visite à l'ermite, dans Perceval, il tue un chevalier sur le chemin, dans la deuxième continuation, et l'ermite lui dit, c'est pas bien de tuer des gens. Et là, il dit, ah merde. Sauf que là, l'ermite lui a dit ça, et après ça, il tue un chevalier. Et il se dit, zut, j'aurais pas dû le tuer. Enfin, il le tue un peu involontairement. Il faut dire que le chevalier veut enlever sa sœur, il le met à terre, il essaie de pas le tuer, mais il le tue accidentellement, il est très contrit. Donc c'est peut-être ce sens que Perceval, ici dans cette version, Bah, il a beau faire, il faute plusieurs fois. Il faute, mais c'est pas sa faute. C'est vraiment, il a vraiment essayé de faire compte, de pas faire. Il y a plus du tout cette idée de péché primordial quant à sa, enfin, son péché quant à sa mère, le fait d'avoir abandonné sa mère a plus du tout la même place, même si elle est morte. Bon, sa sœur va mourir après, dans des circonstances assez proches de celles de sa mère. Il perd tout le monde autour de lui, mais voilà. Après ça, on a l'épisode du beau mauvais, donc ils voient un type qui a une femme qui est très laide, mais qui pense qu'elle est très belle, et puis peut-être qu'elle est enchantée. Bon, on revient pas là-dessus, c'est littéralement la même chose qu'avant. Faut peut-être préciser que la réaction là, ça prendra peut-être plus de sens dans le perceveur, quand on aura parlé du Merlin, mais la réaction de Kay cette fois-ci est vraiment encore plus horrible. Encore plus méchante. Et il va vraiment, et toute la cour va vraiment se moquer de la dame, et Arthur en fait va blâmer que, et va lui expliquer que, va dire, ah, mais si j'avais pas fait la promesse de te garder comme chambellan, je t'aurais viré depuis longtemps. Et en fait, dans le Merlin, on apprend pourquoi. C'est le teasing pour la semaine, pour le mois prochain. Parce que c'est très très drôle. C'est le tout l'épisode autour de Kay dans le Merlin est absolument hilarant. L'origin story de Kay expliquera pourquoi le roi Arthur ne peut pas virer Kay. Ce que tout le monde devait se demander en fait à l'époque. Kay est vraiment un vulgaire, méchant, mauvais chevalier. Mais non, il est toujours chambellan du roi Arthur. Pourquoi? Eh ben, vous le saurez après avoir lu le Merlin en prose. Ce qui nous amène à un des rares épisodes originaux, parce que là, vous avez vu, c'est beaucoup de remanier de choses qu'on a déjà vues. Là, il y a un des rares épisodes originaux du Perceval en prose, le Gué Périlleux, qui est peuplé d'oiseaux féeriques, d'oiseaux fées, qui vont donner du fil à retordre à Perceval. Donc, Perceval arrive vers un gué qui est défendu par un chevalier. On se demande pourquoi il le défend. Vous commencez peut-être à deviner que les chevaliers qui défendent des zones arbitraires d'autres chevaliers, c'est qu'ils ont fait une promesse à leur dame. Généralement, c'est ça. Ben là, c'est la même chose. Il a fait une promesse à sa dame qui est un peu féerique. Il s'appelle Urbain. Il est le fils de la reine de Noirépine. Le roi Arthur l'avait fait chevalier. Et puis, alors qu'il chevauchait à l'aventure, il s'est mis à pleuvoir comme si le ciel tout entier allait se déverser un énorme orage qui grondait l'air sillonné d'éclairs. Et il s'est retrouvé dans le plus beau château du monde, et il y a une dame justement qui l'a pris sous son aile, et elle lui a fait prêter serment de la suivre et de faire tout ce qu'elle désirait, et c'est ce qu'il va faire. Et du coup, voilà, je suis obligé de la suivre dans son espèce de château invisible, et vous serez dans la tente qui est juste à côté de ce château, et vous défendrez le gué contre les chevaliers. Voilà, donc il lui raconte ça. Perceval réussit à le battre et à le faire s'arrêter pour lui raconter l'histoire, etc. Puis, tandis que Perceval parlait avec le chevalier, lui ordonnait de ne plus interdire le gué périlleux, lui dit donc non, tu vas arrêter de défendre ce gué. Il entendit un tel fracas qu'il lui sembla que toute la forêt s'engloutissait dans l'abîme, et dans cet effroyable tumulte s'élevèrent une fumée et des ténèbres si épaisses qu'on ne pouvait plus se voir sur près d'une demi-lieue. Puis, du sein des ténèbres se fit entendre une voix très forte et pleine de douleur qui dit « Perceval le Gallois, nous te maudissons dans la mesure de nos faibles forces de femmes, car tu nous as causé aujourd'hui la plus vive douleur que nous ayons jamais éprouvée, et il en résultera pour toi, sache-le, de grandes peines. » Et la voix dit au chevalier à côté de Perceval de continuer à se battre, en fait, l'enjoint de continuer à se battre malgré le fait qu'il ait été vaincu, sinon il la perdra. Et le chevalier dit « Ah non, permettez-moi de m'en aller, Perceval », il le supplie. Et il commence à essayer de s'enfuir et finalement reprend le combat. Il continue à se battre contre Perceval. Perceval est offusqué parce que il l'a quand même vaincu et ils avaient promis de pas se battre. Mais apparemment, la dame, l'amoureuse de ce chevalier, a une telle emprise sur lui qu'il peut pas supporter l'idée de la perdre et donc il se remet à se battre. Et Perceval, il est attaqué par un vol d'oiseaux une nuée d'oiseaux qui obscurcit le ciel entier. Alors c'est pas clair si parce qu'on avait déjà vu la terre s'obscurcir quand le Perceval s'était assis sur le siège, donc on sait pas si c'est de nouveau la même chose ou si effectivement le ciel s'était obscurci justement à cause des oiseaux. Il va en fait attaquer un oiseau, le blesser à mort, et l'oiseau va tomber et se transformer en une dame, corps d'une dame morte. Et là Perceval va être horrifié et les oiseaux vont partir en emportant le corps de la dame. Et là, le chevalier va finalement arrêter de se battre et lui expliquer la merveille qu'il vient de voir et lui expliquer qu'en fait, ces oiseaux étaient effectivement les dames, la dame du chevalier et ses compagnes, et qu'elles sont venues l'aider. Mais une fois qu'il les a battus, c'est fini. Et vu qu'il est un des meilleurs chevaliers de tous les temps, il a pu les battre simplement. Et en fait, le chevalier explique que la jeune dame qu'il a blessée, enfin qu'il a tuée apparemment, est en fait seulement blessée et qu'elle sera en Avalon maintenant. Oui, ça va être un euphémisme souvent pour la mort hein, dans les romans. Donc je sais pas si elle est si en si bon état. Ça, c'était la sœur en fait de la demoiselle qui aimait le chevalier. Enfin, le chevalier est très très cool et très très heureux et il le laisse partir finalement pour rejoindre sa damoiselle et les jeunes femmes de celle-ci. Voilà, Perceval voit derrière lui qu'il est emporté au milieu de grandes manifestations d'allégresse et il pensait qu'il allait rattraper ce groupe, mais en fait ils ont disparu quelques pas après. Ça c'est une des autres portions du merveilleux du Perceval en prose. Et souvent Perceval voit un truc et il le voit disparaître. Alors nous ça nous semble assez habituel, mais en fait finalement c'était pas encore si cliché que ça dans ce genre de littérature à ce moment-là. Là, on voit vraiment le côté où... Féerique, hein. J'ai vu un enfant dans un arbre, mais maintenant, il n'y a jamais eu d'enfant dans cet arbre. C'est impossible, c'est vraiment spooky. Et cet épisode avec les oiseaux qui se changent... Les femmes qui se changent en oiseaux, plutôt que l'inverse. Ah, bah, dans ce qu'on voit, c'est qu'un oiseau qui se change en femme. Les oiseaux qui se changent en femme, féerique. Généralement, on voit là-dedans une espèce de merveilleux celtique, peut-être breton, gallois, on sait pas trop, mais on voit probablement un épisode plus vieux. Surtout que dans le... par exemple, il s'appelle Urbain, et certains font une connexion avec le Owain gallois, parce que dans le rêve de Ron Abouy, vous avez Owain et Arthur qui jouent aux échecs, et Owain est un peu mauvais perdant, et il embête Arthur avec ses oiseaux. Donc il y a des gens qui font une connexion avec ça, par exemple. Moi, ça me fait penser à la Serglig et Concourlein, où vous avez Courlein qui tue, enfin qui blesse deux oiseaux, qui se révèlent en fait être des fées et qui le torturent en rêve. Donc de nouveau des femmes qui se changent en oiseaux. Peut-être qu'on a effectivement une espèce de motif folklorique sur des femmes oiseaux. Je crois qu'il y avait des sorcières qui ressemblent un peu à des harpies dans le Père Edour aussi. Donc on a peut-être un motif certainement plus ancien. En tout cas, il y a des gens. Ça, c'est un peu dans la balance de la question si le Perceval en prose. Est-ce que c'est une compilation? Pas très original, où est-ce qu'il y a une source plus ancienne, certains pointent là-dessus et disent « Ah, ça, on le trouve nulle part ailleurs, peut-être que c'est pas si... Peut-être que c'est pas juste l'œuvre d'un prête-plume médiocre qui a combiné plein de trucs, peut-être qu'effectivement on a quelque chose d'un peu plus vieux. » Ce qui nous amène un peu à la... On est déjà un peu à la fin de l'histoire de Perceval, en fait. Il est même pas encore arrivé au Château du Graal, c'est maintenant qu'il arrive au Château du Graal. Il arrive au Château du Graal, mais on est déjà un peu sur la fin. Il voit d'abord des enfants dans un arbre qui sont nus et qui sautent de branche en branche, qui se prennent par le cou et qui jouent ensemble. Un écho de la deuxième continuation de nouveau. Voilà, il y avait qu'un seul enfant. Il y avait qu'un seul enfant qui grimpait et qui disparaissait dans l'arbre, mais là vous avez deux enfants. Donc il voit ces deux enfants dans un arbre à côté d'une très belle croix et qui jouent. Il les appelle et ils lui disent: nous sommes venus te parler du paradis terrestre d'où fus-tu avant, avec la permission du Saint-Esprit. Tu as entrepris la quête du Graal que garde Bron, ton grand-père. Donc voilà, là on l'appelle encore une fois pour Perceval. Celui que l'on appelle dans de nombreux pays, le roi pêcheur. Tu prendras donc cette route, là devant, toi, à droite. Avant que tu ne la quittes, tu verras, sache-le, ce par quoi tes épreuves seront terminées, si du moins tu en es digne. Alors il réfléchit un peu en disant, est-ce que je vais suivre cette route, ce conseil? Il relève les yeux, ils ont disparu, et la croix aussi, l'arbre, tout a disparu, et il se demande s'il avait eu affaire à des spectres ou des fantômes. Enfin, en tout cas, voilà, on a ce côté un peu de choses qui disparaissent face à Perceval. Il faut dire que le Merlin, dans une ombre, en fait, apparaît là et lui dit qu'il devrait suivre le conseil des enfants parce que leur conseil est bon, en fait. Il y a une voix qui lui apparaît qui lui dit: Perceval, Merlin, celui dont tu as si souvent entendu parler, te fait savoir que tu ne dois pas faire fi des indications qu'ils t'ont données. Donc, est-ce que c'est Merlin ou est-ce que c'est... En tout cas, une voix désincarnée lui dit: suis ce chemin et tu auras accompli la prophétie que notre Seigneur fit à Joseph. Autrement dit, l'avènement du tiers homme, donc le troisième homme qui était annoncé dans le roman de l'histoire du Graal. Donc là, en suivant la route, il tombe sur le roi pêcheur qui pêche dans son bateau, hein, qui est un vieil homme dans des draperies très riches. Le roi pêcheur l'invite à remonter la rivière et à le retrouver à son château. Alors, Perceval poursuit, remonte la rivière, et pour un moment, il voit pas le château, donc il est en train de maudire le pêcheur pour lui dire: ah, tu m'as raconté des blagues. Ah, il m'a raconté des blagues, vraiment, c'est abruti. Et en fait, tout de suite après, il voit les tours du château apparaître un peu comme un chrétien, et il se reprend d'avoir dit du mal du roi pêcheur. Et c'est là qu'il arrive, et là, on est vraiment dans une répétition assez proche de la première arrivée chez Chrétien. Il l'accueille, mais sauf que là, on nous dit clairement, hein, on nous répète, Perceval, c'est son petit-fils, il arrive, et par contre, ce qui se passe, c'est qu'il est très confortablement reçu, mais il ne dit pas grand-chose. Il n'y a pas les grandes retrouvailles. Il sait pourtant que c'est son grand-père, mais il ne dit pas « je suis ton petit-fils ». Non, mais là, il a toutes les clés. Il sait qui c'est, il sait ce qu'il doit demander. Littéralement, ça a été épelé pour le lecteur comme pour le héros de ce qu'il devait faire. Et pourtant, il va quand même réussir à échouer, et comme Gauvin au Château du Graal, il va s'endormir. Échouer. Il y a peut-être quelques petites différences quand même avec le cortège du Graal. Le cortège du Graal ici c'est mené par un garçon qui porte le Graal et pas par une jeune fille. Peut-être aussi par orthodoxie religieuse, puisque si le Graal contient l'Eucharistie, alors il faut pas une femme ne peut pas le tenir, évidemment. Et là, la différence principale, c'est que vu qu'il n'y a pas grandement de gore pour ne pas poser de questions, le Dido, je crois, dit que c'est son oncle ermite qui lui avait pas proposé de questions, sauf que l'oncle ermite ne dit clairement pas ça dans le texte. Ouais. Et le manuscrit de Modène remplace ça par la mère. Alors, c'est un conseil qui marche un peu mieux, parce qu'on aurait pu imaginer que la mère lui aurait dit ça quand il était gamin, mais c'est un renversement complet de ce que disait Chrétien, justement. Et il y a le texte nous dit clairement que quand alors il voit le cortège qui est un peu différent aussi. Il y a pas un seul tranchoir, il y en a deux. Il y a pas les bougies. Il y a pas les bougies qui brillent mille feux. Il y a la lance par contre. Et les trois gouttes de sang. Et au deuxième passage du Graal, quand Perceval ne dit rien, le texte nous dit que le Bron réalise qu'il n'y a aucune question qui va venir et qu'il est de plus en plus en colère, enfin, qu'il est de plus en plus énervé parce que ça vient pas. Et là, Perceval se dit non, mais je veux pas poser la question. Et nous répète, si Perceval avait posé la question, le roi serait soigné, tout serait parfait. Et le roi voit bien que Perceval veut dormir et donc il ordonne qu'on prépare un lit. Et comme dans le récit de Chrétien, mais aussi de la première continuation, Perceval se dit je vais poser la question demain quand je me réveille, comme ça c'est un bon compromis, on voudra pas pour se me demander le lendemain. Et quand il réveille, il y a rien, c'est vide, tout a disparu. La maison n'est pas vide, mais enfin la maison est vide, mais elle est toujours là, mais il y a plus personne dedans. Et il sort et il décide d'aller retrouver quelqu'un, essayer de voir si quelqu'un est parti pour demander la signification. Et là justement il voit en sortant une jeune femme qui est la plus belle que nul homme ne pourrait trouver et qui est en train de pleurer, et c'est elle qui lui explique que encore une fois qu'il est vraiment un abruti, qu'il fallait poser la question et qu'il était vraiment il est vraiment en détresse parce qu'il sait il aurait dû le faire, hein. Et il décide qu'il ne se reposerait pas tant qu'il n'aurait pas retrouvé son grand-père et qu'il n'aurait pas posé la question, toujours en nous promettant de ne pas rester deux jours de suite. C'est clairement un écho de la rencontre qu'il a avec sa cousine dans le conte du Graal, sauf que là, c'est pas sa cousine. Il n'y a pas cette révélation familiale. Elle lui dit pas qu'elle a un lien avec lui. Mais elle lui dit aussi, je trouve intéressant, tu as échoué, sache-le, parce que tu n'es pas encore assez sage ni assez preux et que tu n'as pas encore fait assez d'exploits, de hauts faits et de nobles actions pour devenir le gardien du précieux vase. Donc là, on a la notion que le Graal n'accepte que certaines personnes qui sont assez vertueuses, que ce soit sur le plan purement religieux dans le Joseph ou ici sur le plan de la chevalerie. Et donc que ici c'est plus vraiment une faute morale entre guillemets, c'est plus vraiment un péché qui l'empêche de faire ça, mais c'est juste qu'il est pas assez digne encore. Il est pas au fait de sa prouesse chevaleresque qu'on avait déjà vu dans les continuations, ouais, c'est ça, aussi avec le motif de l'épée. C'est beaucoup plus proche de la première et de la deuxième continuation. Avec le motif de l'épée qui est pas encore complètement réparé par lui qui les met ensemble. Et là, on a la même chose, et donc ça va permettre de poursuivre l'histoire et de conclure certains des arcs, à commencer par justement le chevalier de la tombe. Il croise, pareil que dans la deuxième continuation, il trouve la tête du cerf blanc avec le braque. De la même manière, la tête elle est accrochée à un arbre, il voit une dame à côté, il dit ça à moi. Le chevalier revient de la chasse avec le braque, il le combat, il le prend. Le chevalier lui explique par contre, celui qui sortit, il lui explique pareil, le chevalier qui t'a battu de la tombe, exactement comme dans la deuxième continuation, mais cette fois, il dit c'était un des meilleurs chevaliers du monde, sa prouesse était telle qu'une fée en tomba amoureuse. Or, dès que mon frère vit cette fée, il s'en éprit lui aussi, il s'en fallait de peu qu'il ne perdît la raison chaque fois qu'il se trouvait auprès d'elle. Elle finit par lui demander de le suivre. Donc de nouveau, on a une de ces fées qui emmène son amant, qu'il séquestre un peu pour l'emmener dans ses châteaux invisibles. Elle a la même chose, il dit le type dans la tombe c'était mon frère et il était condamné à ça. Et il lui explique aussi que la vieille qui t'a indiqué la tombe, c'est cette demoiselle, c'est la plus vieille demoiselle du monde, mais elle prend une apparence de vieille pour embêter un peu les gens. C'est celle-là même qui a construit la tombe et qui a amené mon frère dans la forêt. Sache enfin que mon récit est entièrement véridique. Par Dieu, tu m'as conté la plus grande merveille que j'ai jamais entendue. Donc Perceval dit waouh, c'est quand même fou tout ça. Donc on a un peu comme le chevalier du guet, de nouveau un chevalier qui a été séquestré par cette fée. Et il lui dit en plus que est-ce que tu saurais la dame du chevalier du château de l'échiquier qui m'a donné le chien, si tu pouvais me dire quelque chose. Eh ben c'est la sœur de la demoiselle qu'aime mon frère. Donc cette demoiselle qui a séquestré le chevalier de la tombe et qui était en vieille et qui t'a distrait de ta quête et qui t'a distrait pour que mon frère te vole le chien et la tête de cerf blanc. En fait c'est la sœur de la dame qui t'a confié la fête. Et en fait tout ça c'est un jeu psychologique entre ces deux sœurs à propos de mon frère d'ailleurs. Et puis toi tu étais un pion dans ces jeux psychologiques et puis je vais lui ramener la tête. Cette demoiselle, t'as donné le chien, déteste sa sœur à cause de son ami. Nul le chevalier ne peut en effet passer ici sans qu'il se couvre de dinosaures. Du coup, elle t'a envoyé là, dans l'espoir que tu battrais enfin ce chevalier de la tombe et que tu humilierais un peu cette demoiselle par procuration. Voilà. Il lui demande si le château de la demoiselle est loin. Elle lui dit c'est par là-bas, c'est dans pas longtemps. Et effectivement, il y arrive immédiatement. Il arrive immédiatement. Dans la deuxième continuation, c'était le cheval, je crois, c'était le chien qui l'amenait au château. Oui, il me semble. Et le chien, il y a une voix qui lui dit le chien t'amènera où tu veux aller. Il y avait la mule aussi, non La mule, c'était pour le château du Graal. Ouais, c'était ça, là. Mais le là, c'est purement des indications. C'est purement quelqu'un dit, ah oui, c'est juste à côté. Et du coup, elle arrive, la dame aux élus, ah, je serais un peu fâché, je pourrais être un peu fâché avec toi, tu y reviens si tard. Il lui explique toutes les aventures qu'il a eues entre temps. Et elle lui offre, vu qu'il a rempli sa mission, en fait, de battre l'amant de sa sœur, de rester et de devenir maître du château. Donc là, elle a vraiment ce rôle de Blanchefleur, en fait, où elle est la châtelaine, elle lui propose de prendre sa place de maître du château. Mais on peut aussi y voir un parallèle avec le château du Graal. Oui. S'il reste là, il pourra pas être le roi du château du Graal, non, et c'est voilà. Un peu une tentation. Elle est une fée, elle est pas vraiment très, très, très catholique. Et c'est donc, clairement c'est une woman as the temptress, comme le dirait Joseph Campbell. Ouais. Bref, on est dans cette dimension assez tentatrice, justement. Qu'il va effectivement. Il dit je peux pas, j'ai promis de jamais passer plus d'une nuit dans un château et je peux pas rester une nuit parce que j'ai déjà passé une nuit. Donc là c'est même pas des nuits d'affilée. Ouais, c'est vraiment une nuit dans un seul château. Je peux dormir une seule nuit à une seule location. Et il part et ça le ramène chez son oncle ermite. Mais après 7 ans d'aventure quand même. Hein, oui. C'est plus les 5 ans de la deuxième continuation, là on est à 7 ans. Oui, il a 7 ans, on nous dit qu'il envoie des centaines de prisonniers à la cour du roi Arthur, ce qu'il a déjà fait hein, pendant tout le récit. Oui. Comme dans la version de Chrétien, il envoie des prisonniers qui sont immédiatement acceptés et libérés d'ailleurs. Mais de nouveau, pendant 7 ans, il ne pense pas à Dieu, il ne met pas pied dans l'église ou dans une. La même formulation que Chrétien, littéralement. Église ou Moutier, exactement. Et donc, du coup, là, il voit de nouveau cette procession de pèlerins, enfin de processionnaires qui prient avec leur capuche et leur cape. Et c'est là qu'il se souvient de Christ et il retrouve son oncle. Et là, c'est ça qui est rigolo, c'est que là, il nous dit que Chrétien ne dit rien de tout ça. Ni les autres trouvèrent. Mais c'est assez marrant parce que c'est littéralement dans Chrétien, ça. Oui, c'est ça, c'est un épisode qui est vraiment dans Chrétien. Il dit Chrétien 3 ne parle pas de ça, pas plus que les autres trouvères qui en ont fait la matière de leur rime délectable. Nous, cependant, nous n'en disons que ce qui concerne notre récit, que ce qu'en fit transcrire Merlin à Blaise, son maître. Donc là, on a vraiment une connexion avec le Merlin, dont on parlera la prochaine fois, sur comment le récit a été transmis. Logiquement, Merlin a pu le transmettre à n'importe quel moment, puisqu'il peut voir le futur, donc il a pu l'écrire à n'importe quand. Il l'a dit à son maître Blaise, qui vit dans le Northumberland, donc en Northumbrie, qui était si vieux qu'il ne pouvait à peine se tenir debout. Et Merlin nous a vu et savait exactement ce qui arrivait à Perceval chaque jour, et il a arrangé pour que Blaise... enregistre, en fait, écrive ses aventures pour les gens de valeur qui seraient heureux de les entendre dites. Et on trouve dans les récits de Blaise, dictés par Merlin, que Perceval est resté à la maison de son oncle pour 2 mois. Et je crois que c'est la différence avec Chrétien, justement, que Perceval n'est pas resté 2 mois dans Chrétien. Non, c'est sûr. Ce qui d'ailleurs pose problème, parce que si Perceval avait fait de rester pas plus de 2 jours au même endroit, là, non, oui, c'est vraiment raté. Hein. Et en fait, on nous dit, au fait, au moment où il arrive chez son oncle, sa sœur est morte. Hein. Ouais. Parce qu'elle est morte il y a 1 an et demi, et qu'elle a été enterrée juste en dessous de la maison de l'ermite. Et là, Perceval pleure, dit des prières pour l'âme de sa sœur, et son oncle encore une fois lui offre possession de son château, du château d'Alain le Gros où vivait sa sœur, mais qu'il ne peut pas rester là parce que ce serait trop triste en fait pour lui, oui, dans cette maison vide de tous les gens qu'il a aimés. Il dit « Je n'en ferai rien du temps de donner le royaume du puissant roi Arthur, j'en ai fait trop de peine à voir la maison de mon père si vide que je n'y trouverai aucun membre de ma famille ». Voilà, et là, il repart et il dit qu'il nouveau, il ne retrouvera pas le repos tant qu'il n'aura pas trouvé la maison de son grand-père, votre père. Hein, c'est clairement, c'est pas un oncle, un oncle entre guillemets. C'est vraiment son oncle, son père. Donc ça aurait tendance à dire que l'histoire de Petrus, qui serait cet oncle ermite, n'est pas tellement fiable. Ce qui nous amène au tournoi du Blanchastel. Donc Perceval va s'illustrer dans un tournoi de nouveau. Je vais passer assez vite là-dessus. Il chevauche jusqu'à 8 jours avant la Pentecôte. Il entend des nouvelles de Mélian de Lys et d'un tournoi qu'il doit faire. Il se dit je vais y aller. Et en fait, à cause de ça, il va dormir 2 nuits de suite à cet endroit-là. Il avait aussi dormi a priori 2 nuits de suite chez son oncle, à moins qu'il ait pas dormi pendant 2 mois, je sais pas, peut-être. Et il part quand même assez vite, mais il a quand même passé plusieurs nuits là. Et il a combattu, donc il y a peut-être une opposition aussi entre la chevalerie, disons, terrestre et une chevalerie spirituelle, où justement le fait d'être attiré par les tournois, la para et la gloire, c'est pas forcément bien. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que le tournoi est finalement assez peu présent, parce qu'on décrit beaucoup de tournois, mais après, au bout d'un moment, une fois qu'il a battu, il arrive que pour le deuxième jour du tournoi, il bat les gens pendant le deuxième jour, et après, au moment où il va rentrer pour le troisième jour, il croise un faucheur avec son hôte, le vavasseur chez qui il reste, ça manquait de vavasseur jusque-là, il voit un homme qui est vieux et barbu, mais qui est bien habillé, et qui porte une faux sur son épaule et qui est un faucheur. Et il dit, il prend les rênes de Perceval, les rênes du cheval de Perceval, et il dit, abruti, tu ne devrais pas être en train de, enfin, imbécile, tu ne devrais pas être en train de faire un tournoi. Et, il répond de façon assez énigmatique, ça me... En quoi ça me concerne, quoi ça vous concerne? Et il dit, ça me concerne beaucoup, ça me concerne moi et d'autres. C'est vos affaires, mais c'est aussi les miennes et celles d'autres hommes. Et ce sont les affaires de moi plus que quiconque d'autre, je vous assure. Donc c'est clairement Merlin. Oui. Mais déguisé, qui est-tu, hein. Et il dit le fils d'un homme, ce qui est techniquement pas vrai. Non, non, il dit, je crois qu'il dit d'un homme. Il dit, je suis le fils de quelqu'un que tu connais à peine. Oui. Ce qui veut dire qu'effectivement, Perceval ne connaît pas le diable. Il vous connaît, il te connaît mieux que tu le connais lui. Mais, je te le dis, aucun homme ne bénéficie de sa connaissance de lui, donc en gros parce que ça n'apporte rien que du mal, c'est clairement le diable. Perceval est confus par les paroles énigmatiques de Merlin, ce qu'on va quand même pas mal voir dans le Merlin où il dit des trucs énigmatiques, puis les gens sont des idiots, ils comprennent pas. Toujours. Et là, après, au bout d'un moment, quand il le prend à part, il dit bon, en fait, je suis Merlin, je viens de Northumberland pour t'aider. Je vais t'amener à la maison du riche roi pêcheur, mais il t'a quand même mis des obstacles devant parce que tu as brisé ton vœu. Alors, il vient de le briser, donc c'est un peu curieux, parce qu'il n'y a pas vraiment d'obstacles maintenant. Ouais. Les obstacles, ils étaient avant. Donc peut-être que c'est rétrospectivement, en fait. Oui. Il a eu les obstacles parce qu'il savait qu'il allait passer deux jours pour ce tournoi. Tu avais juré de ne pas dormir deux nuits sous le même toit et tu as passé deux nuits chez le vavasseur et Perceval dit, ah, j'avais pas fait gaffe. Puis Merlin lui dit, tu seras plus facilement pardonné. Donc là, on a quand même l'étourderie de Perceval qui est plus la cause de son malheur, mais en fait qui légitime sa seule faute vraiment. C'est là que, en fait, on peut dire du mal du Perceval en propre, parce que le récit est quand même assez, assez solide encore. Assez solide, hein, c'est assez dense, mais il y a quand même, c'est assez curieux. On se gratte la tête. C'est peut-être là qu'on voit justement les problèmes d'accommodation, en fait, du récit pour y ajouter les récits d'autres sources. Il dit, Merlin évidemment peut pas lui dire ça clairement. Il dit, alors je vais t'amener sur un chemin qui t'amènera à la maison de ton grand-père en moins d'un an. Perceval dit, oh, tu peux pas m'amener un peu plus tôt? Ah, c'est simple, mais ce n'est pas simple. Tu pourrais y être d'ici ce soir, mais tu y seras définitivement en un an. En tout cas, ça te mettra au plus un an. Et il dit, je le ferai si Dieu me l'accorde. Et il s'en va. Et donc là, mais souviens-toi de bien demander. Il le rappelle quand même. Hein. Souviens-toi de bien demander. Donc là, c'est la version du vélo à roulettes de la quête du Graal. Là, vraiment. C'est la version. La version Mario. Easy mode dans Mario. Non, c'est ça. C'est le mode facile de la quête du Graal. Genre, Merlin, il dit, c'est le Clippy, tu sais. It looks like you're trying to find the Holy Grail. Enfin, plus efficace que Clippy, probablement. Il faut aussi mentionner, avant de passer donc à la toute fin de l'histoire, que l'épisode du tournoi du Blanchastel n'est pas vraiment satisfaisant dans aucun des deux manuscrits, en fait. C'est-à-dire qu'on nous parle de changement d'équipe et d'affrontement. Il y a des espèces d'équipes de chevaliers qui s'affrontent. Ouais, parce que Mélian se bat contre les chevaliers de... Bah, Mélian représente l'extérieur, en fait, et les chevaliers de la cour représentent les chevaliers de l'intérieur. Mais quand Perceval arrive, Mélian décide de se mettre du côté de l'intérieur pour que Perceval puisse les battre tous, en fait. Oui, et puis t'as Gauvin qui change de... Enfin, c'est pas très clair, mais les manuscrits donnent pas vraiment un truc. Ils ont essayé de proposer des solutions différentes. Ce qui nous amène à Perceval, deuxième épisode chez le roi pêcheur. Il y arrive. Au jour précis que Merlin avait dit, alors... Un an après, il arrive au roi pêcheur, il conduit son cheval à l'écurie. Seigneur, dites-moi à quoi servent tous ces objets que je vois ici portés. Donc il revoit de nouveau le cortège. Et dès qu'il eut prononcé ces mots, il vit, en regardant le roi pêcheur, qu'il était transformé, parfaitement guéri de sa maladie et sain comme un poisson. Cette transformation remplit Perceval de stupeur. Wow, j'aime beaucoup sain comme un poisson, parce qu'en anglais c'est fit as a fish. Et ça sonne vraiment comme quelque chose que tu pourrais dire, tu sais. Oui. En vrai, c'est plutôt fit as a fiddle que tu dirais, mais là, fit as a fish, c'est pas mal. Là, il dit, Seigneur, dit Perceval, sachez qu'à Alain le Gros, votre fils, fut mon père. Cher enfant, je suis très heureux de vous voir. Sachez que vous avez devant vous la lance avec laquelle Longin frappa Jésus sur la croix. Je suis, mon cher ami, très heureux de te voir. Et il dit, c'est avec ce Graal qu'est le sang, qu'on a recueilli le sang qui sortait de ses plaies, dont le fouleau courait jusqu'à terre et que Joseph a recueilli, nous l'appelons Graal, car il agréait à tous les hommes de bien et à ceux qui peuvent rester en sa présence. Donc le Graal, c'est ce qui agréait. Donc là, on a un petit calembour de Joseph. Là, c'est vraiment clairement qui réjouit le cœur des hommes. Hein, qui est agréable au cœur des hommes. Mais à ceux qui, aux hommes de valeur qui peuvent rester en sa présence. Oui. Le Graal ne tolère pas la présence des pêcheurs. Et ensuite, Bron explique à Perceval les paroles sacrées que Joseph lui a apprises, les paroles que je ne peux ni ne dois vous répéter. Donc vous avez un côté un peu gnostique comme ça de transmission secrète. Il l'instruit dans la foi du Seigneur. C'est le narrateur hein, qui dit qu'il ne peut pas répéter les paroles en question. Et comment il avait vu le Christ, comment il l'avait vu au temple lorsqu'il avait confondu les docteurs. Donc ça, c'est l'épisode de l'enfance de Jésus. Comment le parti des puissants au royaume de Judée l'avait pris en aide, comment il a été vendu aux Juifs, blablabla. Bla, bla. C'est raconte, un credo en fait. C'est un credo. Je crois en Jésus-Christ, le Père de tout puissant. Enfin, oui. Donc c'est vrai que là, on a peut-être. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. On a l'écho du côté prêcheur du Joseph ici dans ce que nous dit, ce que Bron dit à son petit-fils. Il lui conte la vie exemplaire de son ancêtre, etc. Il l'écoute de tout cœur et ensuite il passe les trois jours suivants avec Perceval et au troisième jour il s'approche du vase, il se couche devant, les bras en croix, il rend grâce à notre Seigneur et c'est alors qu'il quitta ce monde. À ce moment même, Perceval s'approchant de lui, vit David avec donc le roi David avec sa harpe et une profusion d'anges portant des encensoirs qui attendaient l'âme de Bron et qui l'emportèrent dans la gloire des cieux auprès de son père qui l'avait si longuement servi. Perceval devient roi du Graal. Ce même jour, Arthur est à la table ronde. On entendit un fracas terrible et on voit que la pierre du siège qui avait été brisée par Perceval se ressouda. Tous furent remplis de stupeur car ils ignoraient ce que cela signifiait. Merlin va alors auprès de Blaise et lui conta ce qui était arrivé. Quand Blaise lui écoutait, il lui dit « Merlin, tu m'as dit que lorsque ces choses seraient accomplies, tu m'emmènerais vivre auprès du Graal. » Et Blaise lui dit « Oui, allons-y. » On y sera d'ici demain. Merlin plie Blaise et Arthur demande à Merlin ce qui s'est passé, ce que ça signifie. Donc Merlin, effectivement, amène Blaise et lui dit qu'il sera là avant le lendemain. Et là, nous dit le manuscrit de Modène, Merlin prit Blaise et l'amena à la maison du roi pêcheur dont le nom était Perceval. Donc c'est clairement Perceval est devenu le roi pêcheur. Le titre a été transmis. Et là, il resta en compagnie du Graal. Et Arthur demande à Merlin ce qui s'est passé parce que voilà, Merlin, il a la connaissance du passé et de l'avenir, donc c'est il s'est rendu entre-temps à Carduel hein, pour retrouver Arthur. Arthur répond Merlin, sache que c'est de ton temps que s'est accomplie la plus haute prophétie qui fut jamais annoncée. Bon, peut-être le Christ quand même, non? La plus haute prophétie qui fut jamais annoncée. Le roi pêcheur est guéri et les enchantements qui pèsent sur le royaume de Bretagne sont dissipés. Donc là, on a cette idée que la quête du Graal met fin à la période magique du royaume arthurien, qui est en fait extrêmement prégnante. On va vraiment voir, une fois que le Graal a été trouvé, tous ces trucs magiques, ces dragons, ces géants, c'est tout ce que vous voulez, c'est fini. Et ça, c'est vraiment le début de cette conception où c'est, avant c'était un peu, on a parlé dans la tradition des chroniques des 12 années de règne d'Arthur de paix, où on a peut-être ce créneau où casaient les romans. Bah avant qu'ils commencent à aller se battre en Europe, quoi. Ce qu'il va faire maintenant, d'ailleurs. Mais là, justement, on nous dit que c'est la fin, il a trouvé le Graal. Apprenez, il dit d'ailleurs Gauvin que etc. Apprenez que c'est Perceval qui vous a battu au Blanchastel parce que il faut pas se battre pour la gloire dans les tournois, c'est pas très bien, mais quand même il faut mettre le nez dedans à ceux qui ont battu Gauvin et que Gauvin et que il vous a jeté tout son long. Mais maintenant je peux vous dire qu'il a entièrement renoncé à la chevalerie et qu'il entend maintenant se remettre entièrement à la grâce de son créateur. Donc Perceval est retiré au château du Graal dans une existence purement contemplative et méditative. Donc basiquement il est devenu un ermite lui aussi. Et enfin ermite, il a quand même des gens à sa cour hein, parce oui, que Merlin sur ses entrefaites nous dit le texte revient à la cour du roi pêcheur pour rajouter cette petite coda à l'histoire auprès de Blaise. Blaise complète toujours l'histoire hein, au château du Graal. Et tout le monde pleure quand Merlin raconte tout ça. Ce qui commence la mort d'Arthur, on vous en parlera la prochaine fois, je pense, parce que c'est plus intéressant si on la met en parallèle avec le Merlin. Mais basiquement, c'est Arthur à la conquête de la France qui se bat en duel contre le roi de France, Flore. Il y avait l'empereur de Rome qui voulait en tirer son tribut. Arthur bat Flore, refuse de payer à Rome. L'ambassade contre l'empereur de Rome se passe très mal. Il fait un conseil de ses vassaux pour décider qu'est-ce qu'on fait. Bon, la guerre. Comme d'hab. L'empereur de Rome, on vous l'a dit, la politique, disons, religieuse et raciale du Moyen-Âge n'est pas très subtile. Donc, malgré le fait qu'on est probablement au 2e ou au 3e siècle, bah, le roi d'Espagne est déjà un sarrasin. Donc, l'empereur fait appel à lui. 50 000 sarrasins qui viennent camper sous les murs de Rome pour se battre contre Arthur. Et l'empereur épouse la fille du sultan. Et il lui donne subtil. Il lui donne la collade et il l'embrasse. Et ça l'empêche pas d'embrasser le sultan sur la bouche, tandis que tous les sénateurs de Rome s'inclinaient avec une extrême déférence. Il savait bien pourtant qu'il péchait ainsi contre Dieu, mais il redoutait encore plus les Bretons, bah, sous-entendu que les Sarrasins. Je suis sûr que tu pourrais trouver un parallèle anti-byzantin là-dedans. Oui, non, il y a probablement un peu de ça, un peu anti-oriental. Et là, on mentionne notamment que la force de Gauvin grandit à partir... On va revenir dessus, mais la force de Gauvin grandit à partir de midi. Et finalement... Arthur est trahi par Mordred, de nouveau la même chose qui prend Guenièvre pour femme. Ils reviennent en Grande-Bretagne, c'est là qu'on nous dit que Gauvin se fait tuer par un coup de rame de Saxon. Parce que les Saxons sont alliés avec Mordred entre-temps. Hein. Qui est terrible, il y a un morceau de lamentation sur là-dessus de Gauvin. Puis on nous parle de la mort d'Arthur, De nouveau, on nous dit que Mordred fut tué, le roi saxon, et que le roi Arthur fut également blessé à mort, qu'il reçut un coup de lance en pleine poitrine. On n'a toujours pas explicitement l'idée que Mordred et Arthur s'entretuent personnellement. Hein. Ils meurent à la même bataille, mais on n'est toujours pas dans cette idée que vraiment ils se croisent et qu'ils font un duel sur le champ de bataille. Là, tout le monde est triste. Arthur dit « Cessez vos plaintes, car je ne mourrai pas. Je vais en effet me faire porter en Avalon pour faire soigner mes blessures par Morgain, ma sœur. » Et il se fait porter en Avalon. Les Bretons reviennent à Cardueil et l'attendent plus de 40 ans avant de choisir un nouveau roi, car ils étaient toujours persuadés qu'il reviendrait. Et là, il y a un passage un peu intéressant pour les folkloristes. « Mais sachez que certains l'ont vu depuis chasser dans les forêts et ont entendu ses chiens, et que certains encore ont longtemps espéré qu'il reviendrait. » Donc là, c'est le motif de la chasse sauvage, de la wild hunt, la Mesnil-Équin. L'idée de chasse qu'on voit dans le ciel, qui font, disons, des bruits énormes, sûrement des personnifications de l'orage. Mais parfois, le protagoniste, apparemment, c'était Arthur. En tout cas, il y a des gens qui interprètent ces manifestations comme Arthur. Puis un petit épilogue sur Blaise et Merlin, qui conclut un peu la transmission de l'histoire. Donc on vous en parlera plus en détail hein, la prochaine fois. Il y en aura quelques petites choses à en dire. Il y a des liens avec, effectivement, Wass et Jeffrey qui sont plus présents là. Ce qu'on peut dire en tout cas sur le Perceval, pour faire un bref point, c'est que c'est un roman qui est un roman en prose, donc c'est assez différent hein, dans la qualité littéraire est un peu différente à la fois des continuations et de Chrétien. On est beaucoup dans des répétitions de formulations, ça peut être assez pénible à lire par moment, même si effectivement il est plus compact par bien des aspects. On n'est pas encore dans les longs romans en prose comme Per Lesvos ou comme Le Lancelot. Mais on est dans quelque chose qui n'a pas tout à fait le même pizzaz que Chrétien ou même ouais. que les continuateurs. Hein. On remarque beaucoup plus vraiment les répétitions, les motifs, un peu de prêchi-prêcha, même si c'est pas. Enfin, un peu de ce prêche un peu lourdingue parfois, ouais. même si c'est pas aussi présent. Moi, j'aime beaucoup le Perceval en prose, personnellement, je trouve qu'il est, il est quand même assez solide pour une synthèse du conte du Graal, de la deuxième continuation et de la tradition des chroniques. Il marche assez bien et il pave vraiment la route pour la Vulgate. Je pense qu'il faut mentionner que Robert de Boron, ou en tout cas la personne derrière ce cycle, aime beaucoup les jeux de mots. Notamment un qu'on n'a pas mentionné, c'est que Avalon est beaucoup mentionné dans ce texte. Notamment, bah, vous avez la dame fée qui se faisait emmener là-bas pour soigner ses blessures, ce qui était quand même un prélude de ce qui va arriver à Arthur. Mais vous avez aussi un moment où l'oncle de Perceval lui dit que le Graal avait été emmené en Occident. Mais ce qu'il dit, c'est assez intéressant, il dit « là où les Solaus avaluaient ». Donc là où le soleil avalait, mais avalait ça veut dire qu'il descend vers le Val, autrement dit qu'il descend vers l'horizon. Donc il y a peut-être déjà l'idée que Avalon, c'est là, peut-être un jeu de mots qui est sous-entendu, Avalon c'est là où le soleil avalait, donc descend vers le Val, autrement dit Avalon c'est en Occident. Donc là vous avez peut-être cette idée qui essaye d'unir tout ça et de dire que l'île d'Avalon c'est une île qui est encore plus à l'Occident et à laquelle on destinait le Graal. On peut remarquer que justement l'histoire de Pétrus n'a pas été explicitement résolue, on ne sait toujours pas exactement ce qui arrivait à Moïse, donc les promesses qui étaient faites dans le Joseph ne sont pas complètement pleines, mais c'est la première tentative d'un cycle cohérent, disons, de romances agencées ensemble et qui se répondent les unes aux autres tout en étant des œuvres très distinctes. C'est pas comme une continuation, parce que si vous prenez les continuations de Perceval, non seulement elles ne s'annoncent pas les unes les autres, c'est-à-dire que vous n'avez pas de plan, les gens prolongent pendant extrêmement longtemps sans avoir... disons, c'est une fuite en avant, quoi. Vous n'avez pas de plan. Puisque là, clairement, vous avez un plan pour ce qui doit se passer qui essaie de rendre tout ça cohérent et d'intégrer pratiquement tout ce qu'on a vu jusqu'ici dans une seule histoire. Je pense qu'on est... on est vers la fin, ouais, gentiment. Je voudrais vous rappeler que vous... Alors, pourquoi tu voulais rappeler là ? Je voulais juste dire qu'il y avait un document qui résumait un peu l'histoire avec des listes, des éditions et tout. Voilà. Et puis je voulais peut-être mentionner les manuscrits qu'on n'avait pas dit. Voilà, bah mentionne brièvement ça. Je vais peut-être mentionner un peu sur la fin. Donc, on voit là un cycle qui est vraiment le prototype de ces grands cycles en prose, qui va pas encore avoir leur cohérence peut-être, mais qui va déjà être bien sur le chemin. C'est surtout le Merlin, en fait, qui va servir de lien entre les deux, donc on en reparlera peut-être plus la prochaine fois, et après, quand on parlera des textes en prose, ça sera l'année prochaine, quoi. Mm-hmm. Mais d'ici là, vous avez déjà une bonne idée de ce que pouvait être l'effervescence, disons, littéraire autour du Graal, surtout à partir de ce Graal, à partir de Perceval, à partir de ce personnage dans l'immédiat, et pas vraiment encore à partir des autres personnages de Chrétien, ça sera vraiment Lancelot après qui prendra ce rôle. Peut-être pour aller un peu vers la direction de pour aller entre pour aller un peu contre O'Gorman justement, l'idée de lire ces textes en cherchant la version la plus autoritative, la version originale, c'est louable, c'est intéressant dans la mesure où ça pourrait nous révéler effectivement un peu le processus exact de transmission. Comment on est arrivé de Chrétien et de ce Graal à Robert de Boron? Est-ce qu'il y a vraiment un parallèle direct? Est-ce que c'est de l'un à l'autre? Est-ce que c'est une source commune qu'elle a parenté avec les sources celtes, par exemple, aussi? Mais je pense que c'est plus intéressant, en tout cas, et plus accessible, d'essayer d'envisager ces deux textes, surtout les Perceval, en fait, mais aussi, effectivement, le Joseph, qui circule quand même pas mal en isolation avec le Merlin, comme des textes qui sont lus pour eux-mêmes, en fait. Le Joseph, si vous entendez parler du Graal ailleurs, vous avez peut-être entendu parler du Joseph et ça vous donne une idée, même très vague, d'où vient le Graal, en fait. Même si vous n'avez pas forcément connaissance du Perceval, même si vous avez connaissance du Perceval le Chrétien, par exemple, ou du Perceval les Continuations, si vous avez entendu parler du Joseph, les continuations vont petit à petit prendre de plus en plus, on va en parler quand on parlera des 3e et 4e continuations, mais vont de plus en plus prendre de ce domaine-là aussi. Donc ça circule, certes pas toujours ensemble, mais ce sont des textes qui en isolation vont peut-être avoir de l'influence. Et parfois, comme dans le cas du manuscrit de Didot, comme dans le cas du manuscrit de Modène, comme dans le cas du manuscrit de Modène, on a des textes qui circulent ensemble et qui sont vraiment conçus comme un roman qui va d'un point A à un point Z. Et là, on est vraiment. Ça peut être intéressant justement de les lire dans leur ensemble, que ce soit dans l'édition, si vous arrivez à lire Sacchellini, ou dans l'édition de Bryant, par exemple. Mais comme on le disait, c'est aussi le début d'un moment où les gens vont vraiment interpoler des textes les uns dans les autres, les combiner de différentes manières dans différents manuscrits, et qui développent justement des débats sans fin sur comment est-ce qu'on doit vraiment les envisager. Donc c'est des débats qui sont, à mon avis, passionnants et inévitables. Mais peut-être aussi que c'est pas forcément le plus intéressant. Donc si on a choisi de vous parler de ces deux-là en tandem, donc du Joseph et du Perceval, même si c'était pas l'œuvre d'un seul auteur, c'est parce que ça pave vraiment la route pour la Vulgate, qui va vraiment être le gros morceau, la grande synthèse avant sûrement Mallory, en fait, qui est la synthèse tard médiévale. Et qui est une synthèse, d'ailleurs, qui concerne vraiment que les anglo-saxons. Ça nous concerne de nos jours, parce que le média arthurien qu'on consomme de nos jours est très fortement anglo-saxon, mais à la base, c'est surtout l'Ancelot Graal, en fait, qui va avoir cette influence en français. Cela dit, on espère qu'on vous a donné un bon aperçu, déjà, de cette trilogie associée avec Robert de Boron. On finira d'en parler, on donnera peut-être une perspective un peu plus complète, y compris justement cet Arthur historique qu'on retrouve dans le Merlin et dans la fin du Perceval. On vous en parlera peut-être un peu plus, plutôt de l'aspect moins Graal et peut-être plus pseudo-historique, disons, qu'on retrouve dans Merlin, dans la fin du Perceval en prose. D'ici là, tu voulais encore dire deux, trois mots sur les manuscrits, peut-être? Oui, on ne l'a pas mentionné avant, mais en fait, les deux manuscrits du Perceval en prose, donc qui incluent justement les trois romances, celui de Modène et de Paris, sont les deux lisibles en ligne. Si vous voulez voir à quoi ressemble justement le manuscrit, après, pas très accessible pour tout le monde, mais il y a un script de l'émission qui est en lien dans la description, où vous pouvez trouver un résumé assez bref des œuvres qu'on a évoquées, mais aussi des listes des éditions, etc., et des liens vers certaines qui sont disponibles en ligne, et notamment de ces deux manuscrits qui ont été numérisés et que vous pouvez consulter vous-même. Donc on vit quand même une époque formidable pour ce genre de choses. Voilà, d'ici là, il ne nous reste plus qu'à vous rappeler que on est trouvable si vous avez des questions, si vous avez vous voulez communiquer sur Twitter @laysfara, LAYSFA2RA, et @antoniusmajor, Antonius AntoniusMajor, que Rex Condam Rex Que Futurus est une émission produite et réalisée par Radio Kawa, que vous pouvez soutenir comme vous pouvez soutenir toutes les autres émissions de Radio Kawa sur patreon.com/radiokawa, si le cœur vous en dit, et que vous pouvez nous partager, évidemment, nous faire découvrir à d'autres auditeurs, que ce soit en leur envoyant nos liens ou en nous recommandant sur iTunes, en nous mettant des likes, en nous laissant des commentaires, que sais-je. On vous donne rendez-vous le mois prochain pour parler de Merlin et de la fin de ce petit cycle du Graal, comme on l'appelle parfois. Qui sera aussi la fin de cette première année. Et la fin de cette première année, effectivement, de Rex Condam Rex Que Futurus. D'ici là, on vous souhaite un très beau mois de novembre et à très bientôt. Adieu. Quand vous découvrez un bon restaurant, vous en partagez l'adresse avec vos amis. Les podcasts, c'est pareil. Pour aider vos productions Radio Kawa préférées à se faire connaître, rendez-vous sur leur page iTunes Store et foncez les noter. Et à mon avis, elle mérite 5 étoiles. Plus nombreux vous serez à noter nos émissions, plus cela aura d'effet. Merci et bonne écoute. Toutes les deux semaines avec Yann et avec Lou, on vous parle du jeu vidéo d'aujourd'hui à travers les news, des critiques de jeux, des dossiers. On reçoit également des invités et on répond à vos questions. La cartouche, ce n'est pas toute l'actualité du jeu vidéo, c'est votre actualité du jeu vidéo. Un vendredi sur deux sur Radio Kawa. C'est la cartouche sur Radio Kawa.